Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Charles-Étienne Gervais, Marc-André Chabot et Guillaume Touzin. Merci les boys. Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, on parle des jeux Gravity Rush, Mario Pinball Land, Gunman Clive, Zigziz, The Walking Dead épisode 2, Felix the Cat, Groove Coaster et Cosmic Creeps. Dom nous parle de son expérience à la Wii U et on vous fait découvrir la compagnie Way Forward. Oh yeah! Bonjour et bienvenue à ce 32e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, Dom? Ça va bien, toi, Bruno? Eh oui! On est de retour! Eh oui, on est de retour. On est en vacances. On est slacker un peu. On est slacker. En fait, on n'a même pas... On n'est pas si slacker. Ouais, on est pas... On est slacker sur le Rétro Nouveau, mais pas sur la vie. Non, c'est ça. Ben, on n'a même pas annoncé au monde vraiment qu'on allait prendre une pause ou quelque chose. Tout ça, c'est fait, on savait pas. On pensait qu'on allait réussir à faire un épisode, mais finalement, ça marchait pas dans le temps. Donc, exact. Les événements ont fait que toi, t'étais dans le jus en train d'aménager. Moi, je tombais en vacances, puis tu sais ce que c'est, les clients, ils veulent tout leur stock avant de partir en vacances. Classique. C'est une semaine de malade, tu sais. Fait que. Ça a été bien dur. Ah non, c'est ça. Puis moi, le déménagement, j'ai tellement mal pensé à mon affaire. Je me suis dit, boah, déménagement, il n'y a rien là. J'ai déménagé souvent dans ma vie, mais déménager d'un condo à une maison, c'est une autre affaire. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je suis moins là quand même. Ouais, puis c'est très compréhensible. Là. Déménagement, c'est bien du gossage. Puis, Mais je remarque qu'il y a beaucoup de nos fans aussi qui sont pas là. C'est vrai, sur les réseaux sociaux, c'est quand même tranquille, on dirait. C'est très tranquille, puis c'est ça. Il y a beaucoup de nos fans qui vont à l'école, puis là, à ce temps-ci de l'année, ben ils vont pas à l'école. Ouais. Fait qu'ils pourraient bien nous écouter, c'est-tu? Exact. <T'as fait. rire> Mais ils nous regardent pas sur les réseaux sociaux. Sont pas là. Non, c'est ça. Même moi, j'y vais pas souvent. Non. Ben, j'étais en vacances, là, j'y vais moins, c'est certain. C'est ça. Là, mais c'est l'été, là, dans le fond, c'est ça que ça fait. Moi, je vais, pour ma part, je vais être de retour plus actif le 9 juillet. Puis c'est ça. Je sais pas pour toi, Dom, mais attends, moi, c'est vraiment... Attends, je vais sortir mon calendrier de princesse. Hey, t'as ton beau calendrier de princesse. Ma blonde et mon fils aiment les princesses. moi, je vais... J'étais en vacances la semaine prochaine, donc le 11 juillet. Parfait. Ça, c'est mercredi le 11 juillet. C'est on n'enregistrera pas juillet. Parce que j'étais en vacances. Oui. J'ai des beaux projets de vacances côté jeu, d'ailleurs. Ça va fitter. En tout cas, ça va être malade, vous allez voir. Puis sinon, on reviendrait, là, techniquement... le 18 juillet, ça serait l'enregistrement de l'épisode 33, comme Patrick Roy. Exact. Puis c'est pour ça que ce soir, on vous donne un épisode monstre. Ouais, chargé. Huit jeux. Il est gros. 8 jeux, et puis on ramène une chronique. Cette semaine, ça va être une compagnie. C'est ça le nom, hein, la compagnie? Oui, la compagnie. On a décidé de faire une compagnie cette semaine. Peut-être la prochaine shot, ça va être le créateur, je sais pas quoi. Mais là, on ramène la chronique rotative. Exact. Qui a un peu plus de contenu, là. Ou d'histoire, finalement. Oui, c'est ça. Puis aussi, on vous avait dit, « Ah, on va avoir des invités cet été, on en a en masse. » Puis finalement, on n'a pas eu, dû au timing puis tout ça. Ils sont avertis. Mais ils sont ils avertis. Ils se sont fait canceller une couple de fois. Est-ce qu'on n'est pas fin? Ouais, c'est ça. Mais là, ça va arriver. Là. Pour l'épisode 33, il faudrait qu'on ait un invité. Ouais. Puis je pense qu'il serait prêt, là, d'après ce qu'on a vu sur Facebook. Ouais, là, il serait très prêt. Fait qu'on vous dira pas c'est qui tout de suite, au cas où il se passe quelque chose, mais on va avoir un invité à l'épisode 33, on peut se dire ça. Ouais, on peut dire ça. Puis on va s'essayer là, jusqu'à la fin de l'été, en tout cas jusqu'avant la... Moi, la fin de l'été, je me dis tout le temps, c'est quand Monsieur Net et la nouvelle saison de Musique Plus recommence que pour moi, l'été finit. Ouais. Fait que je dirais avant la fin du mois d'août, on va... avant le retour des classes, finalement, on va avoir eu quelques invités sympathiques. Absolument. Sinon, on est allé enregistrer chez nos amis la commission des Geekers. Eh oui, la commission des Geekers. On voulait aller voir c'était quoi cette gang de malades-là qui c'est reste ça. Pas dans le beuverie. Non, ouais, c'est... Ben, on n'a pas bu tant que ça. Ben, non, moi, j'ai bu 6 bières, mais tu sais, de 7h à minuit, on a enregistré beaucoup de matériel. Donc, à la fin, on était plus fatigué, je dirais, que sous. Donc, à la fin aussi, on était moins dedans. Ben, pas rien que nous. Mais tu sais, l'ambiance totale, on était peut-être un petit peu moins dedans. Ben, il y a Eric qui en avait bu 12 ah ouais? à la fin, il était magané. Ben ouais, à un moment donné, il arrêtait en deux segments, il a fait comme Fuck, man, j'ai bu 12 bières, là. Tu sais, donne-moi une chance. Ben, il faisait beau, tu sais, puis c'était après souper, puis on était bien chaud. Il faisait chaud là-dedans. Oh là là là. Mais c'était écœurant. Vraiment une gang super sympathique. C'est une super belle gang. Ces gars-là sont vraiment. Moi, je les trouve tellement cool. Ouais. Ils connaissent tellement d'affaires, tu sais. Ouais. C'est des vrais geeks, mais tu sais, en même temps, je sais pas, du monde. C'est des geeks, mais c'est des professionnels dans la vie de tous les jours. C'est ça. Ça paraît, c'est des gars qui sont hyper matures. Ouais. Mais en même temps, ils ont gardé leur côté geek comme nous autres. Absolument. Tu sais, on a des vies professionnelles bien sérieuses, puis tout ça, où on deal avec des affaires bien importantes, mais on tripe ses jeux vidéo, puis c'est sur la pop culture, ces affaires-là. Puis eux autres, c'est un peu ça, la commission des geekers, puis tu vois que c'est une gang de chums qui aiment se réunir, puis jaser de plusieurs affaires ensemble, puis faire des jokes, puis c'était le fun, parce qu'on est arrivé là-bas, puis moi, c'est rare que je m'en vais passer une soirée avec du monde, puis qu'à toutes les références d'affaires que j'aimais quand j'étais jeune, que je sors, le monde sait de quoi je parle. Oui, totalement. Hey, même là c'est moi le gars qui connaissait rien. Là, hey, les gars, Steve, ils sortaient des références de films. Ouais. Mon gars, sacrement, mon gars, j'ai rien vu moi, dans la vie. Là, complètement off. Mais moi, j'étais content. Il y a quelqu'un qui a compris ma fascination pour Sport Billy. Ouais, c'est ça. C'était les gars des geekers. Fait que non, c'était vraiment écœurant. Là, c'était... Puis d'ailleurs aussi, au début, je me rappelle plus c'est quoi l'épisode qu'on a enregistré. Mais en tout cas, on a fait les nouvelles qui portent à boire. Oui. Puis on a parlé de la 3DS XL. Oui. Donc, on n'en parlera pas à Rétro Nouveau, mais on en a parlé dans les Geekers. Donc, c'est ça. Fait que si vous voulez ce segment-là, ben absolument. Écoutez l'épisode. De toute façon, vous allez voir, c'est drôle en maudit. Si vous avez écouté à 3 bières, puis vous avez aimé ça, aux Geekers, c'était la même chose. Mais j'avoue, un petit peu plus... peut-être un petit peu plus raunchy, un petit peu plus vulgaire des fois. Même, ah oui, il y a un segment très... Toi, t'es allé dans un bout assez intense. Je suis parti vulgaire, assez dégueulasse. Je sais pas, je me suis laissé aller. Là. Mais c'est cool. Je suis pas un gars vulgaire dans la vie, mais là, je trouvais que c'était d'adon, tu sais. Je trouvais ça non, très mais drôle. C'est ça qui est le fun des podcasts aussi. Dans un sens, il n'y a pas de règles dans le podcasting, puis tu peux te permettre de dire ce que tu veux. Absolument. Puis, regarde, faut en profiter. On est là pour avoir du fun tout ensemble. Personne qui est là pour faire de mal à personne. Fait que c'est fantastique. C'était fantastique. C'était écœurant, en tout cas. Ben, merci les boys, puis on va se reprendre, c'est certain. Yes. Là. Puis, autre chose. On voulait parler. Je me suis joint au PlayStation Plus. Ta-da-da-da! Yes! Parce que vois-tu, c'est la fameuse offre là, qu'ils ont faite dernièrement. Oui, ils donnent genre des millions de jeux là, gratuits, tu sais. Fait que moi, je m'abonne à ça, me disant, bon, je vais tout avoir ces jeux-là gratuits, je vais y jouer un moment donné, tu sais, mais que j'ai le temps. Puis. Voilà, me voici membre. Yes. J'ai ces jeux-là. Mais non, les jeux sont pas à toi. En fait, si tu n'es plus membre, tu perds tous les jeux. Ah ouais, c'est ça la trappe. Mais en même temps, maintenant que t'es membre, là, est-ce que t'as vraiment le goût de plus l'être? Totalement. J'ai travaillé fort pour essayer d'aller trouver l'option pour me mettre. Pour pas qu'il y ait de pour continuer que ça paye tout seul. Ouais, finalement, que je sois un membre en continu. Puis c'est pas facile de trouver ça. Tu sais qu'ils veulent que tu restes. Comme Joël, justement. Ouais. Joël Martel qui racontait que lui-même, il oublie tout le temps d'aller enlever cette option-là. Fait qu'il reste membre. Mais c'est, moi, je comprends. Moi, être toi, là, je serais membre, c'est sûr. Ouais. Mais être moi, je jouais à Xexiz, au NES, tu sais, je jouais à Félix de 4, tu sais. Ouais. Ces temps-ci, j'ai reçu des badges de jeux, puis je veux jouer au NES, tu sais. Je joue pas au PlayStation ces temps-ci, mais pas du tout. Puis, même si j'ai payé pour 3 mois, là, j'aurais jamais le temps de finir Warhammer, c'est ça, puis tous ces gros jeux-là, tu sais, je vais pouvoir les gosser un peu. Mais moi, quand je me suis inscrit, je me suis dit, je vais les avoir, puis quand ça va me tenter... Ben, je le ferai. Ben mais là, ça me met comme une pression. T'as 3 mois, sinon t'es père, tu sais. Mais c'est parce qu'à vrai dire, le PlayStation Plus, c'est fait pour les fêlés comme moi. Ouais. Pour le monde qui consomme énormément de jeux vidéo parce que ça te permet d'avoir des deals sur des jeux. Pis... Mettons, t'achètes un jeu à deal là, sur le PlayStation Plus au lieu de l'acheter à plein prix. Là, si un jour, tu n'es plus PlayStation Plus, dans un an, là, tu vas perdre ce jeu-là. Non, t'sais. Tu le perds pas. Ce que tu perds, c'est les gratuités de PlayStation Plus. Les gratuités, d'accord. Toutes les gratuités, tu les perds. Les deals, tu perds absolument rien. Ah ben ça, c'est un... Puis des fois, il y a des deals canons, là. Des fois, là, tu payes le quart du prix. Mm-hmm. Des fois, tu payes la moitié du prix. Il y a tout le temps... À toutes les fois qu'il y a une vente admettons, comme c'est 50% sur certains jeux du PSN. Comme là, présentement, il y a Atlus qui fait une vente. Ouais. Là, Atlus met leurs affaires, eux autres, ils les mettent à 60% pour tout le monde. Puis pour les membres du PlayStation Plus, c'est 50%. Okay. Fait que t'as tout le temps un avantage à y être. Il y a aussi des exclusivités pour les membres du PlayStation Plus, comme, admettons, essayer un jeu au complet avant de l'acheter. Tu sais, t'as des démos plus longs. Hein, ouais, c'est ça. C'est quand même très intéressant. Là, ça peut te permettre de te faire une idée. Mais gratuité, c'est super le fun. Tu sais, comme là, Renegade Ops. Ouais. T'sais, moi, je l'avais pas acheté. Il est gratuit. Ah, ben cool. Renegade Ops est gratuit. Pac-Man est gratuit. Mm. Les jeux complexes sont gratuits. C'est des méchants c'est des bons super jeux. Moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est en fait. Mais je peux comprendre qu'ils veulent pas. Tu sais, ça coûte quoi pour 3 mois, 17$. Ouais. Puis ils vont pas me donner pour 200$ de jeux gratuits. Puis après ça, je sacre mon camp. T'sais. Exact. Mais je pensais que oui. Ben non. J'avais pas pensé à ça. C'est sûr et certain. J'avais juste pas pensé à ça. Mais. Je pense que c'est un très bon deal le PlayStation Plus, oui. Mais faut que tu joues beaucoup. Moi, je joue pas assez, fait que ça vaut pas la peine pour moi là. Mais ça dépend, c'est ça, c'est qu'il faut que tu dépenses beaucoup. C'est moi, ça. Je dépense pas mal sur le PlayStation Network. T'sais. Ben oui, t'as tout le temps le même linge sur le dos. Il met tout son argent dans les jeux. Mais tu sais, c'est parce que l'affaire que je trouve plate, par contre, du PlayStation Plus, c'est qu'ils ont fait beaucoup de deals sur toutes les affaires de PSN, PS3, mais pas de deals sur la PS Vita. Ouais, t'sais, c'est vrai. Je le sais que la PS Vita, elle commence puis elle boite encore, mais ça serait le fun. Des fois qu'il y ait des deals, t'sais, puis qu'il y ait des affaires intéressantes qui sont pas disponibles peut-être au reste du monde, fait que... Il y a juste ça que je trouve plate. Là. Ça va venir, là, sûrement. Je peux pas croire. Sûrement. Puis moi, l'affaire que j'utilise le plus sur le PlayStation Plus, c'est l'option de sauver tes parties sur le cloud. Ouais. Parce que moi, ça me permet... J'ai deux PlayStation, puis j'ai aussi accès au PlayStation de Monsieur Net. Fait que ça me permet d'avoir ma partie sauvegardée sans avoir besoin... d'amener une clé USB et tout ça, parce que les clés USB, copier une partie sur une clé USB, elle te permettra pas nécessairement de la copier. Ouais. Depuis que ce truc-là de stockage en ligne, qui est dans le fond une méga arnaque dans un sens, mais une fois que tu l'as, tu tripes, c'est qu'il y a certains jeux qui ont mis des barrures littéralement. Tu peux pas copier ta partie sauvegardée. Ouais. Tu peux juste la stocker prisonnier en ligne. Dans le nuage. Exact. OK. Fait qu'ils veulent, évidemment, ils veulent forcer ils veulent la main des gens pour membre. Que tu restes. Mais pour que tu restes membre, mais aussi pour amener les gens à avoir les avantages de jouer sur le nuage. Ouais. Fait que je les vois, puis là, je trippe, puis moi, je vois pas le jour où je vais me désabonner encore. Mais avant que je l'aie, je voyais pas, sérieusement, je voyais pas l'intérêt tant que ça. Ouais. Puis l'affaire qui m'a attiré, moi, c'était plus ça. Plus qu'il en donnait avant, on dirait. Il en donne énormément. Il en donne au max, là. Il en donne vraiment beaucoup. Puis moi, il y a des jeux comme un jeu que je joue beaucoup, c'est Magic Orbs. Ouais. Puis c'est un petit jeu, là. Je joue à ça, là, en fin de soirée. Puis toutes les extensions, il les donnait gratuites. Okay. C'est toutes des extensions qui coûtent comme 5 piastres chacune. T'sais. OK. Fait que ces extensions, je ne paierais pas vraiment pour, mais là, je les ai. Ah ouais, ça, non, c'est très cool. Fait que c'est cool, vraiment cool. Je trouve qu'il en donne beaucoup. Déjà que c'est un... Tu sais, le PlayStation Network, c'est un service qui est gratuit. C'est sûr que le PlayStation Plus ne l'est pas. Mais je trouve qu'il en donne vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un bon service. Là. C'est fiable. Puis si tu veux pas, si tu t'abonnes pour 3 mois, puis à la limite, si tu n'aimes pas ça, t'arrêtes. Tu sais, 17$, dans un sens, ça, c'est pas grand-chose. Non, 17$ pour 3 mois, c'est rien. Là. C'est rien. Puis surtout présentement. Présentement, avec tous les jeux qu'il y a. Loue-toi un jeu par mois, ça va te coûter plus cher que ça. C'est sûr. Fait que, tu sais, au bout de 3 jours, là, t'es rentré dans ton argent. Ouais. Là, t'as une bonne dizaine de jeux, des jeux excellents, là, dans les meilleurs jeux qui existent. Ouais. Fait que, tu sais, même Warhammer, c'est pas un jeu qui a pété des scores, mais j'avais critiqué à Retro Nouveau, bon puis je l'aime vraiment. Little t'sais. Big Planet 2. Ouais. Contra Hardcore. Contra Hardcore Uprising. Ouais, c'est ça. T'as aussi Infamous 2. Ouais. Qui est très fort. Virtua Ratchet Fighter 5. Qui est pas bon. Qui est pas bon. Je sais pas. Je les donne là. C'est le seul que j'ai joué. Moyen. C'est, que j'ai... c'est rien que pour l'essayer. Moi, c'est le fun parce que là, j'allais, après le Weekend Gaming, j'étais accro à Ratchet & Clank All for One. Ouais. Puis j'allais l'acheter là à 60$, puis il est gratuit. Absolument. Là, je l'ai téléchargé, puis moi, je joue à ça super souvent présentement. C'est vrai. Fait que non, c'est il y a plein de bons jeux là, tu sais. Fait que hey, en plus en passant les 4 Ratchet & Clank qu'il y a eu au PlayStation 2, je les ai à vendre sur Papa Cassette là. 40$ pour les 4. Mint, oh. Ben pas mint là, mais bon très livre. Très clean. Bon, voilà. Nice. Pour ceux là qui veulent l'original. Ouais, c'est ça. Fait, ben en parlant de ça justement, on en va enchaîner là-dessus parce que j'avais posté un message, ben là vu qu'on est tard dans le temps, ça fait déjà un petit bout. Ouais. Mais pareil, quand vous magasinez des jeux avec moi ou que vous voulez voir ce que j'ai, suivez-moi vraiment sur Twitter et sur Facebook, mais surtout Twitter parce que quand je reçois un gros kit là, ou une commande, souvent je regarde tout ça, je dis ok, fine, là je vais sur Twitter, puis je mets genre j'ai ça à vendre. Puis si je trouve preneur tout de suite, par lâcheté, mais aussi parce que ça va plus vite, je vends là, tout de suite sans les mettre sur la boutique. Oui. Parce que quand je mets un item sur la boutique, bon, faut que je prenne en photo, que je close-cut la photo, c'est je beaucoup mets ça de travail. Propre, ça, c'est un petit peu plus de gossage. T'sais. Donc, habituellement, quand les jeux partent tout de suite, ben, ça m'en fait moins sa boutique. Mais ça, par exemple, ça a un petit côté pervers que j'aime moins, ce qui fait qu'il n'y a jamais grand-chose sur ma boutique. Oui. Moi, mettons, je reçois contrat là, au NES, là, j'ai juste à le mettre sur Twitter puis je suis sûr qu'il va se vendre immédiatement. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Fait qu'il n'y a jamais de contrat sur ma boutique. Ouais. T'sais, ça fait... En tout cas, là, je suis dans un dilemme. Mais tout ça pour dire, surveillez-moi quand même sur les sur mais Twitter. Au pire, moi, à ta place, je mettrais la pochette, je mettrais une photo que tu as trouvée sur le web et tu as mis sur non, ton parce site, que t'sais. Moi... Je sais que tu n'aimes pas ça. Toi, ben, tu, c'est ça, tu pas veux juste parce que j'aime cassette, pas ça, tout, mais montrer aussi, l'état mais de la cassette. Je mets un descriptif. Ben, c'est pas tant la photo, mais c'est juste des étapes de plus, là, finalement. Mm-hmm. Puis tu sais, des fois, je le faisais, puis là, clac, ça prenait une minute, puis bon, delete l'article. Je viens juste de faire tout ça. En tout cas, mais c'est parce que j'aime mettre la vraie cassette pour que les gens y voient où est-ce qu'elle est la déchirure sur le label, s'il y en a. Parce que moi, quand j'ai fait cette boutique-là, c'est ce que j'aime, moi, quand j'achète des jeux, de voir la vraie game, objet que j'achète. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Mais je vais me reprendre. Là. Puis d'ailleurs, je suis en train de retravailler un peu ma boutique pour essayer d'en faire une vraie boutique. Une vraie broutique. Une broutique. Avec un shopping cart puis tout le kit. Okay. Là, je travaille là-dessus. Puis j'ai fait un appel aussi aux gens sur Twitter. Il n'y a pas si longtemps que je me cherchais un partenaire pour embarquer là-dedans un peu. Puis là, il y a beaucoup de monde qui ont répondu. Puis OK, mais genre, qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu cherches? Je sais comme pas qu'est-ce que je veux précisément. J'aimerais un plus gros volume, tu sais, là, des fois. Mais j'ai du stock quand même aussi, mais j'aimerais en avoir plus. Mais t'aimerais, ce que tu devrais avoir, moi, d'après moi, ton partner, ça devrait être un gars qui va aussi à la recherche de jeux vidéo puis qui remplit cette espèce de magasin-là en même temps que toi. Vous le faites chacun de votre côté, puis c'est ça. Comme t'as un sidekick, là, tout simplement, puis... Ben, soit ça ou ça devient une espèce de babillard où est-ce que tout le monde qui magasine le rétro et qui veulent en vendre peuvent mettre ça là-dessus aussi, je sais pas. Mais tu sais, ça en même temps, c'est moi qui l'opère à la base. Faudrait que je trouve une façon de faire une cote, tu sais, puis là, ça devient plus compliqué. Fait que je sais pas trop, mais à la base, je me cherchais surtout quelqu'un pour tweaker mon interface et que ça devienne une vraie boutique parce que moi, je suis nul là-dedans. Allez, tu cherches un programmeur web? Un programmeur web, mais je pense que j'en ai trouvé une en étant ma sœur. Ouais. Puis je vais regarder avec ça. Mais en tout cas, j'ai eu d'autres personnes qui ont communiqué avec moi puis qui m'ont comme donné des opportunités. Puis ces gens-là, bon, excusez-moi, je vous réponds un peu moins parce que j'étais en vacances puis tout ça, puis je brosse tout ça dans ma tête. Mais je vous oublie pas, puis si je peux le faire aussi, tu sais, je vais vous revenir, là, dans le fond. J'ai comme lâché ça, ce call-là de cherchage de partenaire. Après peut-être... ça, de quoi t'as besoin? C'est ça, j'étais pas prêt à la réponse, là, finalement, tu sais. J'étais comme un soir, j'étais comme shit, j'ai tellement de patentes, tu sais, puis faudrait que ça roule, puis en tout cas. Fait que voilà. Mais continuez de suivre. Suivez-moi, puis il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, je viens d'acheter mes trois derniers bundles ensemble. Là, ça fait 720$ là, de stock que j'achète de ma poche et que je revends. T'sais. Okay. Fait que je mets de l'argent là-dedans, puis je me repaye aussi. Là, mais là-dedans, il y a des bundles que je garde certains jeux. Mm-hmm. Fait que ça fait que, au final, mes jeux que je me garde n'ont pas coûté cher. Ouais. Fait que pensez pas que je me mets riche avec ça, mais pas en tout. Là. Tellement pas, je suis témoin. C'est ça. Donc, c'est léger profit. Des fois, presque aucun profit sur un jeu. Tu sais, 2$, là, on dit. Ouais, c'est ça. Mais je fais ça par passion. Puis, il y a pas mal de monde qui viennent. Samedi matin dernier, j'ai eu 4 groupes, 4 personnes différentes, dans le fond, puis des groupes qui sont venus ici. J'ai vendu 2 NES. J'ai vendu des jeux Nintendo, de Super Nintendo. J'ai reçu... Un gars est venu me vendre un Atari à 10h30. À 11h30, puis un Genesis. Puis à 11h30, il y a un autre gars qui venait. Il a dit « Hey, t'as un Genesis? » Oui, il est à vendre. Il me l'a acheté tout de suite. C'est comme la transaction la plus rapide de l'histoire des jeux. Si, bon. C'est que, tu sais, j'ai vendu pour 200$. J'ai racheté pour 90$. J'ai revendu pour 85$. Tu sais, comme ça roule, là. Fait que c'était une grosse matinée de vendage. Donc, ça va bien, mes affaires. Puis je suis content. Puis merci de votre support. Puis suivez-moi sur Twitter, Facebook. Ouais, puis allez, dans le fond, un truc, là, allez sur le user Papa Cassette, littéralement, pour voir le fil le fil des tweets qu'il y a eu. Ouais. Parce que des fois, tu sais, un tweet, ça passe rapidement dans ton fil de tweets. Oui. Mais des fois, c'est bon d'aller sur l'utilisateur direct pour voir tout ceux-là qu'il y a eu. Allez-y, oui, parce c'est que ça, des fois, je tweet, puis bang, ça part tout de suite. Puis il y a du monde qui me répond, tu sais, 20 minutes plus tard, « Hey, t'as-tu? » Non, je viens juste de répondre. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, faut surveiller. Fait que moi, c'est ça, j'ai vendu. T'es dans le commerce. Je suis dans le commerce. Mais tu sais, pas tant que ça, c'est juste que moi, dernièrement, tu sais, j'ai terminé des jeux, puis j'étais comme, ah, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, j'aimerais ça les vendre, mais tu sais, pas dans le but d'en faire un commerce, pas dans le but de faire comme Papa Cassette, c'est vraiment pas le cas, c'était juste, normalement, tu sais, je vais vendre ça dans un magasin, je vais vendre ça à un chum, puis tout ça. Là, je me suis dit, à la place, ce serait le fun juste de faire un appel à tous sur mon @BrunoGeorget sur Twitter, puis garde, je vends tel jeu, tu sais. Là, j'ai vendu Resistance Burning Skies, puis j'ai vendu Max Payne 3. Ça s'est fait très rapidement, puis ça s'est fait très bien. Et même, tu as signé ton Resistance. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, puis merci énormément aux 2 personnes qui l'ont acheté, mais... après ça, j'étais allé sur mon Facebook, puis là, j'ai comme fait un appel à tous. J'ai fait comme, hey, j'ai vendu des jeux aujourd'hui, puis j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Puis je trouve que ça pourrait peut-être être le fun si vous avez des jeux à vendre, tu sais, des jeux récents à vendre, puis tout ça. Tu sais, toi, tu fais beaucoup de rétro, fait que évidemment, tu te mettras pas à vendre. Les jeux récents que j'achète, je les garde d'habitude parce que c'est un jeu que je veux posséder. Exactement, tu sais, c'est ta spécialité jeu rétro. Moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des jeux récents, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant, à la limite, tu sais, laisser, dites ce que vous vendez ici sur cette rubrique, puis dites-moi combien, puis... On va pitcher ça entre nous autres, entre gamers, puis on va se montrer. On va se faire des échanges. C'est ça, on va se faire des échanges, on va acheter au pire, tu sais. On va faire des deals entre nous autres, tu sais. Le monde trouvait l'idée intéressante, puis tout ça. Il y a du monde qui a comme commencé à participer. Puis après ça, il y a eu Max Tremblay de l'Épée Légendaire qui est venu sur mon Facebook, puis qui a dit comme, hey, sais-tu, c'est très intéressant comme idée, tu sais. Si tu veux, je pourrais plancher là-dessus, puis checker, voir ce qu'il y a de faisable, puis tout. Fait qu'après ça, moi puis Max, on a parlé pas mal. On s'est parlé pas mal sur Twitter, pis tout ça, sur Facebook. On s'est dit, bon, qu'est-ce que ça pourrait être, puis tout ça. Puis on a décidé, regarde, ça serait le fun que ça soit une place où tu peux mettre un jeu que tu vends ou que tu veux échanger. Puis tu mets la photo du jeu, tu dis c'est quoi son état, tu dis combien qu'il est, tu dis le nom, la console, tout le kit. Puis après ça, c'est les gens qui vont sur le site vont aller communiquer directement avec cette personne-là. Fait que Max est même pas impliqué dans un sens. Ouais. Lui, il est entre les deux. C'est lui qui opère le site, mais les gamers font les deals entre eux autres. Fait qu'il n'y a aucune cote, il n'y a aucun profit qui se fait de notre part. C'est vraiment... Les gens c'est un babillard, ça, là, carrément, de jeux. C'est vraiment à un babillard. Ou à vendre. C'est ça. C'est juste qu'on trouvait que ça manquait. Puis moi, personnellement, je trouvais que plus ça avance, plus les grosses compagnies, puis les magasins de jeux vidéo... Les games, ils te donnent des peanuts pour ton c'est jeu. Ça, c'est ça, ils donnent vraiment pas grand-chose. Puis des fois, je veux dire, tu viens de l'acheter, puis tu sais, tu voudrais... À la limite, tu veux le vendre la moitié, tu sais, mais tu vas dans un EB Games ou dans n'importe quelle boutique, puis on te donnera pas la moitié. On va te donner peut-être, je sais pas moi, le quart, mais ça pourrait être intéressant d'en avoir un peu plus, tu sais. Ouais. Peut-être aussi que il y a une autre personne... qui est intéressé à échanger des jeux plutôt que d'en acheter. Fait que les gens peuvent rentrer en communication, refuser l'offre ou l'accepter. Puis je trouve ça le fun, c'est comme une petite communauté. Ça s'appelle Club Gamer. Ouais. Fait que c'est clubgamer.ca le site. Ouais. Vous pouvez aller là-dessus, c'est un babillard. Il y a des jeux qui sont là. Il y a des gens qui ont aussi mis du rétro. Parce ouais, que, ben, il y a une section rétro en fait. Il y a du monde qui a commencé à en mettre. C'est ça. Puis moi-même, en fait, je pourrais mettre tout mon gear là aussi. Ouais. Ben, je vais sûrement le faire d'ailleurs éventuellement. Ouais. Là. Moi avec, je vais afficher là-dessus. Hein. C'est ça. Mais c'est vraiment. T'envoies une photo, t'envoies un descriptif. Ou si t'as pas de photo, t'en envoies pas. Mais ouais. C'est tout le temps le fun d'en avoir une. C'est mieux d'avoir une photo parce que c'est bon de montrer l'état du jeu. C'est ça. Puis c'est bon de montrer, regarde, t'as le jeu. Je trouve que c'est plus intéressant de voir, regarde, je vends ou je veux échanger un jeu. Ça fait plus personnel aussi. Ça fait plus personnel. Puis tu sais, considérant que toi, t'en as, mettons, là, t'en as comme une vingtaine à vendre demain matin, ben c'est beaucoup de travail pour toi. Mais la personne qui a juste un jeu à vendre ou à échanger, ça se fait bien. Ça se fait bien, c'est pas long. C'est une photo iPhone, là, rien de compliqué. Tu sais, puis il y a bien des photos sur le site présentement qui ont un éclairage jaunâtre. Tu sais, oh, ouais. C'est correct, pareil. Ben c'est pas grave. C'est juste tu montes le jeu puis c'est tout. Tu sais. Puis c'est ça, il y a un formulaire que tu remplis avec les informations de ton jeu. Ça prend 5 minutes, puis ton jeu est là, puis il va se vendre. Puis après ça, ben, les gens s'arrangent entre eux autres. Moi, personnellement, je l'ai fait, j'ai shippé le jeu. Puis je vous conseille pour les gens qui vont le faire, de demander à la personne, évidemment, où elle reste. Oui. Puis dépendant d'où ça vous restez. Ça change le prix du shipping. C'est là. Ça, ça change le prix du shipping. Si tu l'envoies à Laval, là. Ça va coûter moins cher que si tu l'envoies à Rouyn-Noranda. C'est ça. Puis si c'est un jeu, mettons, de PS Vita ou de DS, c'est pas mal moins lourd qu'un disque. Fait qu'il y a ça aussi qui rentre dans puis la balance. Si c'est des jeux plus, mettons, un jeu de 64, c'est plus épais. Oui. Puis ça part au bureau de poste, il y a comme un gabarit. Un genre de crack qu'il check si ton enveloppe elle passe dedans. Ouais. Puis si elle passe pas, là, ça va être comme un. Ça va devenir un colis là, finalement. Puis là, ça va coûter plus cher. Là. C'est ça. Fait que tu sais, des jeux de Super NES, mettons, dans une enveloppe à bulles, ça passe pas. Là, fait que ça coûte tout plus cher ces affaires-là. Là. Non, c'est fait ça. Fait que checker ça, tu sais, ça peut. Des fois, ça peut revenir à 10$, 12$ de shipping. Oui. Mais renseignez-vous avant aussi. Ou soyez prêts, là. T'sais. C'est ça. Mm. Mais je trouve ça bon, en tout cas, puis je trouve ça important comme. On est une communauté, on est en train d'agrandir une communauté de gamers qui trippent tous sur la même affaire. Puis pourquoi on pourrait pas essayer de se faire, de sauver des sous, de recycler, de garder parce ça entre tant nous qu'à autres, vendre pour des peanuts à EB Games, puis eux autres, ils leur vendent au le même prix que tu le vendrais à quelqu'un anyway, ben pourquoi pas faire affaire entre nous et éviter EB Games, tu sais. Ouais. La cote ira à nous, là. Parce que de toute la façon. La communauté gamer, tu sais. C'est ça, tu vas vendre ton jeu à EB Games qui est 9,59$, puis eux autres vont leur vendre 54,99$ usagé, puis ils vont essayer de te vendre une prolongation sur le jeu, si ton jeu est brisé ou quelque chose, que ça va te coûter un 2,50 de plus, tu sais. C'est ridicule, là. C'est ridicule. Dans le fond, moi, je suis. Toi, tu revends genre 45, je sais pas quoi, tu sais, puis tout l'argent va à toi, puis c'est moins cher qu'à EB Games anyway, puis c'est le même jeu, puis il est neuf, là. C'est ça. Puis même pour ton jeu de Vita Resistance, t'avais même pas utilisé ton code online. J'avais pas utilisé l'online pass. Fait que ton online pass, donc voilà un goodie de plus. Ouais. T'étais là dans le guide descriptif, d'ailleurs, parce que le client était bien content de savoir que tu l'avais pas utilisé. C'est ça. Mm. Fait que allez-y, clubgamer.ca, participez, puis vous allez sauver de l'argent, vous allez en faire. Puis ça va grossir, puis ça va être un bon lieu pour tout le monde. Totalement. Fait que là, on va y aller au courrier. Ouais, on a du courrier. Je vais y aller avec celui-ci. Regarde ça, comment c'est long. Oh boy! Je vais pas lire tout ça, mais c'est un courriel de... attends un peu, c'est quoi son Alex? Nom? Alex Hells. Oui. Donc, un gars bien épeurant. Hein? J'ai compris pourquoi il disait ça. Parce qu'il a écouté notre show, puis tu sais, on parlait de... On parlait, en fait, le spécial E3, puis on parlait comment est-ce qu'il y avait plus de zombies ou c'était le retour des zombies dans Resident Evil. Oui. Fait que ce gars-là nous a remis à notre place, là, avec un méga courriel, là, très long. Wow! Sur... dont une très grande partie porte sur Resident Evil. Je vais pas vous le lire. C'est trop long, c'est mais bon. Ce gars-là est un vrai puissant fan de Resident Evil, fait que j'ai lu ça et j'ai appris. Puis écoute, merci, là, c'est impressionnant. Puis, on quoi est servi. Puis il nous parlait aussi d'un jeu qu'il a découvert, puis qu'on connaît, qui s'appelle Moondiver. Oui. Il dit qu'il l'a découvert sur le XBLA, puis qu'il a joué à la démo, puis qu'il a trippé. Puis il dit qu'il n'a jamais entendu parler de ça avant, nulle part. En fait, c'est parce que j'ai joué aux démos, toi aussi. Ouais. Puis, en fait, moi, j'avais pas trippé tant que ça. J'ai pas aimé ça. Ça peut être tout, un jeu coop à 4. Ça peut être cool. Ouais. Mais encore une fois, malheureusement, moi, j'étais tout seul. C'est comme un peu Strider, tu sais. Ouais. Des gars avec des épées, puis qui ont de la magie, puis tout ça. Mais toi, t'avais pas trippé non moi, plus. Moi, j'ai pas aimé le démo. Après ça, je suis allé voir les critiques. Puis je me souviens pas, je l'ai pas sous les yeux, là, mais sa moyenne à Metacritic était vraiment pas bonne. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, bon, regarde, pourquoi passer plus de temps? Parce que avec tous les jeux qu'on essaie, faut couper dans le gras. Puis là, ouais, ben, c'est ça. Il faisait partie de la game. Mais je peux comprendre qu'il a aimé ça parce que le look est intéressant, tu sais, genre les épées puis tout ça, puis c'est cybernétique. À première vue, moi, c'est un jeu qui a l'air. Moi, j'ai comme complètement. Il faut que j'essaye ça immédiatement. Ouais. Mais j'ai pas accroché finalement. Mais écoute, il l'a acheté à 50% puis il était comme vraiment pas cher. Je me rappelle plus. Ah, il l'a pas écrit, en tout cas. Il l'a acheté pour des peanuts. Fait qu'au pire, allez essayer le démo, puis ça se pourrait que vous accrochiez comme notre ami Hells. Et puis, quoi d'autre? Ah, ben, il finit en disant, voilà, c'est tout. J'espère que vous n'avez pas causé de saignement des yeux avec tous ces mots. Et j'ajouterai que j'adore vos chroniques info sur les jeux vidéo et aux personnages précis. Très, très intéressant. Donc, chose qu'on ramène présentement. Alors, voilà, c'est comblé. Il trippe en nous écoutant. Lâche pas. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième courrier qu'on a vient de Jean-François Barry sur Facebook qui dit « Salut les gars, j'adore votre podcast que vous améliorez toujours un peu plus avec le temps, mais qui est, tant qu'à moi, déjà super bon. » Merci beaucoup. Depuis que je vous écoute, j'ai de plus en plus envie d'avoir une Wii pour jouer aux nouveautés de Nintendo, mais aussi aux anciens classiques. À ce que j'ai compris, la Wii U serait rétro-compatible, on va voir tantôt, et après avoir vu Zombie U, il m'en faudrait une. Pourriez-vous me faire un genre de top 5 des jeux que tout bon gamer doit avoir sur la Wii et ou top 5 des jeux Wii bons pour nos enfants? Ça m'aiderait pas mal à me faire une petite collection pour la venue prochaine de la console cet hiver, je crois. Merci les gars, continuez votre podcast. Moi, d'emblée, je veux dire... J'ai acheté une Wii dans le temps pour la Virtual Console. Oui. Puis, non, ça, j'aime mieux avoir les originaux, non, c'est ça, moi premièrement. Aussi. Puis deuxièmement, il n'y en a pas assez de jeux là-dessus. Ben, ça sort lentement au compte-gouttes. Il y a des grands classiques que tu voudrais jouer, il les a pas. Il y en a des très bons aussi. Oui. Il y a beaucoup de consoles, tu sais. Il y a beaucoup de choses, mais pour moi, ben, j'étais un gros consommateur de rétro, tu sais. Moi, c'était pas suffisant, là. Fait que si tu veux acheter une Wii juste pour ça, ça coûte rien, une Wii, en même temps. Je dirais pas ça, parce que c'est ça, là, présentement, la Wii, elle coûte 100$. Ouais. Ce qui est des peanuts, là, vraiment. Puis, en plus de ça, sur Virtual Console, là, la console a de quoi de bon à offrir. Je veux dire, des jeux de Nintendo, t'en as vraiment beaucoup. Ben, jeux de Genesis, des jeux de Sega Master System. Non, mais imagine quelqu'un qui vient d'arriver, là. Ouais. Ça quelqu'un pas, qui veut ça se lancer dans le jouage de jeux rétro là. Et qui ramasse rien, ça peut être une très belle option. Je trouve que ça a quand même. Ça te permet de jouer à tous les classiques, Ocarina of Time, whatever. Les classiques de Nintendo sont pas mal toutes là, rendus là. Ouais, là. Ouais. C'est quand on parle des third party, mettons les jeux de Konami, t'as pas Jackal dessus, mais tu as tous les contrats. Ouais. Toutes les Ninja Gaiden sont là-dessus. Toutes les Ninja Gaiden, je les ai toutes. Toutes les trois sont là-dessus. Toutes les Castlevania sont là-dessus, incluant le Castlevania de Super Nintendo. Ouais, Super Castlevania 4, Rondo of Blood est là. Ben, il y a beaucoup de jeux 64 aussi. Il y en a une tonne. Puis les Zelda. Non, c'est vrai, ça peut valoir la peine. Non, moi je pense que la Wii présentement vaut la peine. Elle vaut la peine pour les gens qui veulent vraiment l'acheter parce que c'est sûr qu'elle est plus difficile à défendre maintenant parce que là, la Wii U va sortir, puis elle semble un peu désuète à cause que là, il n'y a plus vraiment de jeux qui sortent pour la ça. Wii. Là. Mais puis quelqu'un qui veut découvrir les classiques et qui est un peu passé à côté de la Wii, c'est le temps, là, elle coûte rien. Mais sinon, pour Jean-François Barry qui considère acheter la Wii U, achète la Wii U, là, achète-toi pas de Wii, c'est sûr. C'est anyway, sûr. Tout va être accessible encore, tous les jeux classiques, puis tous les jeux de Wii vont être jouables sur la Wii U. Donc, moi, j'irai avec ça. J'ai hâte de voir pour console virtuelle à quel point ça va être accessible pour la Wii. pour la Wii U, je veux dire. Ben, moi, je pense qu'ils vont juste prendre ça puis le mettre dedans, t'sais. Ben, c'est parce que moi, je me disais la même affaire pour la 3DS. Je me disais, tout ce qui est sur la Wii, pourquoi pas le pitcher sur la 3DS, tu sais. Ça serait parfait. Ben, la Virtual Console. On parle de grosses consoles à portable. On parle de consoles virtuelles. Admettons avoir les trois Ninja Gaiden sur la 3DS. Oh. Le port est fait. Ouais, mais c'est pas le même format, tu sais, c'est petit, c'est un port, c'est ouais, mais l'émulation, là, on parle de console à console, là, ouais. Il me semble ça va se faire, là, c'est logique, là, les jeux sont déjà faits, puis c'est des consoles, c'est des vraies consoles, c'est pas des consoles portables, tu sais, moi, je suis sûr que c'est plus compliqué de prendre Super Mario Bros, oui, Virtual Console, puis mettre Super Mario Bros eShop 3DS, ça doit être différent. Là. C'est différent, mais en même temps, c'est. Faut que tu gosses dedans. C'est de l'émulation. C'est de l'émulation. C'est un ROM. Quelque part, il y a tout ce qu'il a. Il l'avait expliqué à un moment donné. Il y avait tout ce qui a rapport où. Des fois, il y a certaines parties du jeu qui ne fonctionnent pas. Il y a des bugs qui, par rapport à certaines parties du jeu. Mais c'est beaucoup plus facile pour des jeux. 8 bits comme ça, là, les jeux Nintendo, c'est quand même pas mal moins compliqué que, mettons, un jeu en 3D vraiment complexe. Là, ça, c'est ben, long et Ocarina of Time, là, je veux dire. Puis Mario 64, tu sais, direct de Wii à 3DS. Là, ça, c'est vraiment plus touché. Là, mais... Non, en tout cas, j'ai... En tout cas, check. Moi, je suis sûr. Je mets... Moi, je, à 90% que ça va marcher. Là. Tout est sûr à 90%. Moi, je mets ça en doute. Direct en partant. Tous les jeux que j'ai downloadés dans ma Wii, à partir de la Virtual Console, je suis sûr que je peux les transférer à Wii U. Là. Moi, je suis pas sûr. Bon, moi, parce que DS à DS, là, juste les jeux on peut le faire, ça. Puis toi, tu n'as pas trouvé la bonne option. Ouais, mais attends, là. Quand il y avait les jeux de DSi, là, DSi à DSi XL, On pouvait pas les amener à notre DSi XL. Ben oui, ça a été une grosse affaire sur Internet. Okay. Ça a été la grosse affaire parce que tu perdais toutes tes affaires. Tu pouvais pas les transférer. Mm-hmm. Fait que, tu sais, si quelque chose de même est possible, ça se peut aussi là, pour la Wii U. Je dis pas ça dans le sens que c'est ça que je veux qu'il arrive. Non. Je dis ça dans le sens que c'est possible. Puis je connais pas toute l'infrastructure derrière ça. Ils n'en parlent pas non plus. Ils n'en ont pas parlé encore du tout de ça. Ils n'ont pas parlé du tout de ce qui va arriver. Ils n'ont pas dit s'il va y avoir, mettons, des jeux de GameCube, mettons. Mm-hmm. Tu sais, ils n'ont jamais parlé de ça. Fait que, tu sais, est-ce que ça va arriver? Reste à voir, tu sais. C'est le début, là. Ben, en tout cas, ça vaut quand même la peine d'attendre que la Wii U sorte parce qu'on va le savoir bientôt. Donc, achète pas de Wii tout de suite. Tu sais, d'un coup que ça se fait. Je pense que tu peux être patient encore à ce niveau-là. Puis, pour les top 5, on en parlait cette semaine. Puis, c'est drôle parce qu'on joue à des tonnes d'affaires, tu sais. Puis, tu joues à des tonnes de jeux. Puis, tu sais, mettons, se faire caler un top 5 de même, tu sais, des meilleurs jeux d'une console. C'est dur, pareil. C'est top. Tu sais, on peut pas vraiment. Je sais pas, tu sais. Ben, moi, j'ai. Il y a tous les classiques, Mario, tout ça. Je veux dire, en partant, c'est tout bon, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je dirais direct en partant, mon meilleur jeu de Wii ever, c'est voyons, Colin, c'est le Skyward Sword. C'est vrai. Ça, c'est mon meilleur jeu de Wii ever. Mm-hmm. Sinon, à part de ça, dans les autres jeux que je conseille, il y a Mario Galaxy, le deuxième, qui est très, très, très, très bon. J'ai pas joué, j'ai juste joué au premier, en tout cas. Le deuxième est excellent. Le deuxième, il fait la même affaire que le premier, mais mieux. OK. Puis à part de ça, ben c'est sûr que dans les classiques... pas mal toutes les Kirby sont bons, le dernier... Donkey Kong Country Return, ça serait pas mal un must. Oui. Punch-Out, c'est cool. De la bombe, là. Moi, il y a un jeu que j'aime bien qui s'appelle Muramasa de Demon Blade, qui est la suite de Odin Sphere, un genre de hack and slash arcade RPG. Assez dur à décrire, mais super beau. Sin and Punishment, qui est disponible sur la Wii, est très bon. A Boy in His Blood, on en a parlé, super bon aussi. Mad World vaudrait la peine, vraiment excellent. Mais d'ailleurs, Anarchy Reigns, c'est un peu la suite fictive de Mad World, les jeux de Suda 51, No More Heroes, sont excellents aussi. Vraiment, regarde, Il y a tellement. Il y en a vraiment beaucoup, quand même, des bons jeux Metroid sur la Wii. Metroid Prime, si vous aimez ça. Le Mario Kart Wii est excellent. Il est encore très bon. Super Smash Bros. Brawl, vraiment ouais. bon jeu. Ouais. Regarde, il y en a quand même beaucoup, là. Ouais, mais c'est ça. Moi, les deux premiers, Skyward Sword, Mario Galaxy 2, pour moi, c'est deux incontournables, quel que soit ton style de jeu. Ouais. Après ça, c'est vraiment, là, tu sais, t'as tes classiques, puis on pourrait t'en nommer de même pendant un méchant bout, là. Mais c'est les deux premiers à acheter, à mon avis. Mm. Et c'est ainsi que se conclut la plus longue conclusion. La plus longue, voyons, la introduction. La plus longue introduction. De Rétro Nouveau. Ouais. Hey, fait que moi, cette semaine, ben, depuis un méchant bout, je joue à Gravity Rush sur PS Vita. Tu joues à ça depuis un méchant bout. C'est un jeu qui est long. C'est un jeu qui est quand même assez long. Puis c'est un original pour la PS Vita. Fait que c'est vraiment là. On n'a jamais rien vu de ça ailleurs avant. Ça se retrouve pas sur aucune autre console. Okay. C'est un peu le jeu que tout le monde attendait sur la PS Vita. Ah c'est ouais? supposé être vraiment le killer app. Okay. Maintenant, est-ce que c'est le killer app? C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. C'est un jeu qui était originalement prévu pour la PS3. Quand okay. même. Puis finalement, ils se sont dit « Ah, c'est un fit parfait pour la PS Vita. » Ils vont sortir là-dessus. C'est Sony Computer Entertainment qui a fait ça, évidemment. C'est un jeu pour la PS Vita de 40$. Fait que là-dedans, on incarne Kat, qui est une fille qui se retrouve au beau milieu de Exville. OK. Au Japon, ça, style? Non, on sait pas que c'est où exactement. OK. Mais au début, elle se retrouve à terre, elle est amnésiaque, elle sait pas pourquoi, comment elle s'est rendue là. OK. Puis, elle gagne le pouvoir de la gravité. Donc, elle peut défier la gravité, elle peut voler. OK. À vrai dire, elle peut monter dans le ciel, puis là, après ça, elle peut décider que, bon, elle s'en va sur un mur, puis ce mur-là devient son plancher, tu sais. OK. Fait que... Elle colle sur les parois, là, c'est genre, ça. Mais... Exact. Elle se met debout sur n'importe quelle paroi. C'est là. Ça. Sauf que quand elle élève son pouvoir, ouais. les autres gens autour vont aussi lever. C'est okay. ça qui est quand même intéressant. Okay. C'est qu'ils n'ont pas laissé la gravité seulement à elle. Tu vois que c'est vraiment un champ autour d'elle qui fait qu'elle gravite. Puis, il y a une menace dans la ville où elle se retrouve. Ça s'appelle les Nevi. C'est comme des espèces de grosses bébites qui ressemblent à des ombres, un peu comme dans Ico. OK. Ico est une des inspirations pour le jeu. Pour ça beaucoup paraît, de jeux. Ben, pour beaucoup de jeux, pour celui-là, c'est un petit peu plus au niveau du look. Non pas au niveau ouais. du gameplay, ni c'est rien beau. De tout ça. Là. Il est beau ce jeu-là. Il est vraiment beau ce jeu-là. Mm. C'est fait en cel shading, ce qui est totalement approprié pour une console comme ça. OK. Puis, ce que c'est Gravity Rush, c'est que tu défies la gravité, comme j'ai dit tantôt. Tu te bats contre ces espèces de bestioles-là. On te donne des missions sans arrêt. Tu as une carte. C'est comme une ville ouverte. C'est comme un sandbox. Ouais. On pourrait dire que c'est le premier sandbox sur la PS Vita. Okay. Donc, on peut se rendre un peu partout dans la ville, puis répondre à des gens, partir des conversations, des fois qui vont nous amener à d'autres missions. On a des missions secondaires. Les missions principales, c'est là que la viande est vraiment. Mm-hmm. On va combattre des ennemis. Ce qui est le fun pour combattre des ennemis, c'est que on va pouvoir aller dans les airs puis se propulser vers un ennemi en lui donnant un coup de pied vraiment chargé de très loin. Elle a fait du karaté, là. Ouais, c'est genre ça, de c'est, karaté. C'est ça. Ben, elle a pas d'armes ni rien, là. Non, c'est vraiment elle a du aucune fighting. Arme. C'est vraiment du fighting, sauf okay. qu'elle a des pouvoirs surnaturels qu'elle gagne avec le temps qui fonctionnent avec la gravité. Fait okay. qu'elle peut faire une espèce de vrille qui ressemble à une grosse drill. Ouais, ouais. Elle peut lancer des espèces de projectiles, tout ça. Mais c'est vraiment tout un rapport à la gravité. Puis un des points faibles du jeu, c'est que t'as pas grande option pour le corps à corps. Okay. Fait, quand t'es à terre et tu veux te battre... Button mashing? Ouais, ouais. Mais c'est que c'est juste un bouton tout le temps. OK. Fait que quand t'es à terre et tu veux battre un ennemi aussi, si l'ennemi... Il y a tout le temps un point faible sur chaque ennemi. Si le point faible est au-dessus de ta tête, si tu frappes, ça va frapper dans le vide. Faut absolument que tu aies dans les airs pour y donner un coup de pied plongé. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai trouvé ça plate. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus d'options. À la limite, un autre bouton pour faire un jump kick. Ou, ouais. Tu sais, aller un petit peu plus haut, peut-être donner des coups de poing, donner des coups de pied. Là, c'est vraiment juste des coups de pied pas mal tout le temps. Fait que ça devient un peu redondant. Ce qui sauve le jeu, c'est que c'est un jeu qui fonctionne avec la gravité, puis ça fonctionne à merveille. le mouvement, se déplacer partout, c'est écœurant. Okay. C'est le fun parce qu'on garde tout le temps le point sur où est la gravité, parce que mettons qu'elle va sur un mur, tu peux te fier à ses cheveux, à ses morceaux de vêtements, okay, qui vont pendre dans la direction où la gravité est. Ah. Fait que c'est vraiment bien pensé, c'est intelligent, il y a plein de détails là-dedans. L'histoire est intéressante au début, puis est faite, elle nous est présentée sous forme de BD animée, ce qui est très intéressant. Okay. Sauf que on finit par la trouver complètement ridicule, puis ça ni queue ni tête, puis l'histoire s'en va un peu n'importe où, puis on finit par s'en foutre un peu du personnage de Kat, qui est en passant accompagné d'un chat. OK. Un chat qu'elle appelle Dust ou Poussière. Ouais, ouais. Puis c'est ça, pis ce chat-là, c'est un peu... On se rend compte que c'est un peu lui qui donne son pouvoir. Ah ouais? Ah, ouais. C'est cool. Ce chat-là, des fois, à un moment donné, il va se transformer en espèce de guépard pour faire une espèce de finale brutale, tu sais. OK. Fait que c'est cool, il y a comme plein de belles idées avec ce chat-là. Puis c'est le fun parce qu'elle parle, elle est un petit peu naïve, Kat, ce qui la rend attachante. T'sais, elle est très japonaise. Ouais, ouais, ça a l'air japonais. Ouais. C'est très japonais, puis des fois, elle parle à son chat, tu sais, puis elle fait comme « Ah, tu sais, j'ai des problèmes. Ce gars-là, tu penses-tu qu'il est intéressant à moi? Qu'est-ce que t'en penses, Poussière? » Puis il répond « Miaou! » Tu sais, lui, c'est un chat. C'est un chat-là, il est pas plus wise que le chat qui vient pisser sur ma housse de barbecue, là. Non! Tellement pas, man! Fait que c'est ça. Histoire vraie. L'histoire vraie en plus. Ben, arrête, j'ai une inondation de chats ici. C'est un problème de chats. Ouais, ouais. En tout cas, les continue. Écœurants. Les maudits chats. Mais c'est ça, bref. la gravité, donner des coups de pied gravitationnels, c'est écœurant. Sauf qu'il y a certaines techniques qui ne fonctionnent pas. Évidemment, la caméra, des fois, on a un petit peu de problème. Parce qu'on est dans un coin puis on a tout ça des problèmes, mais la caméra, on peut pas vraiment enlever des points à ce jeu-là pour la caméra parce qu'on nous donne toutes les options pour la caméra. C'est un jeu qui fonctionne avec la gravité, fait que c'est sûr que quand t'es dans un coin, à un moment donné, c'est un petit peu difficile, là, ouais. Rares sont les jeux qui ont de la facilité à sortir d'un coin avec une bonne caméra, tu sais. Ça arrive tout le temps, tu sais, fait que c'est ça. Les contrôles tactiles de la PS Vita me semblent un peu forcés aux joueurs. Pas nécessaire, là. Ils l'ont mis pour faire beau, mais... Exact. Ouais. Tu sais, comme, mettons, dans un menu, tu te dis, je pourrais naviguer avec la croix puis juste peser sur X. Non, il faut que tu tapes sur l'écran. Ouais. Sauf que pour certaines parties du menu, tu peux faire ça avec la croix. Donc, il y a comme un non-sens que des fois, ça existe, des fois, ça n'existe pas. Il y a aussi une glissade que tu peux faire qui est écœurante. C'est comme tu glisses au sol puis tu glisses longtemps, un peu comme le faisait notre jeu, Vanquish. Un de nos jeux favoris, Vanquish. Bien sûr. Puis il faut que tu pèses avec tes deux doigts dans l'écran puis tu bouges ta PS Vita. OK. C'est cool, ça. C'est bien, sauf que tu sens pas que tu as le contrôle total à cause des mouvements de la PS Vita. Ça va plus ou moins bien. Tu peux aussi voler avec aller dans les airs avec ta gravité puis bouger ta PS Vita pour vraiment avoir le bon angle où tu vas t'en aller. Okay. Ça fonctionne quand même très bien. Mais des contrôles tactiles, des fois, c'est ils en mettent juste trop pour rien. Je comprends pas vraiment. Puis c'est ça. J'ai trouvé que c'était un super bon jeu. Ouais. Je l'ai pas terminé encore parce que je veux vraiment le faire à 100% parce que je l'aime vraiment beaucoup. Y a-t-il un boss de fin? Il y a beaucoup de boss dans le jeu. Les boss sont vraiment cool, sont super le fun à battre puis sont gros. Là, si t'es dans les airs, tu vois la ville puis le boss, il va au-dessus de la ville. Là, vraiment, c'est énorme. C'est assez épique. Puis on change un peu d'environnement dans le jeu. Il y a plusieurs histoires parallèles par rapport au jeu. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'histoire de fond au complet, on perd le joueur ben raide. Ouais. Ça, je t'avoue que c'est ça qui m'a fait reculer un peu. C'est même pas le jeu lui-même. Parce que l'histoire, je m'y suis investi beaucoup au début. Puis à un moment donné, je vais être comme, ben là, c'est n'importe quoi. Là. Ouais, moi, je batte mes missions, puis on a du fun. Puis C'est ça. Après ça, c'est comme tu fais tes missions, puis c'est comme skip, skip, skip, skip, skip. Ouais, ouais. Tu passes toutes les scènes, puis ça t'intéresse plus vraiment. T'sais. Des fois, il y a un gros bout de l'histoire, puis du personnage qui est fait à une fille qui a pas vraiment confiance en elle. Puis... elle va aller voir un gars, puis le gars il donne un compliment, puis elle fait comme ben là, je suis pas si belle que ça, tu sais. Puis ça revient souvent, je suis comme à un moment donné, reviens-en, tabarouette, tu sais. Tous les gars qui passent un commentaire sympathique, tu sais, tout le temps comme ah, peut-être qu'il m'aime bien, tu sais. Je suis comme ah, lâche un peu, tu sais. C'est clair. Je trouve ça vraiment un peu fatigant, tu sais. Puis C'est ça, juste des trucs de l'histoire, pas d'options en combat rapproché. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Le temps de chargement est quand même considérable. Moi, j'ai la copie digitale, puis c'est à peu près un 20-22 secondes. Puis ça, c'est même quand tu fais une épreuve, admettons une course, puis que tu veux la reprendre, t'attends 22 secondes. Okay. Si t'es mort souvent, puis tu la reprends sans arrêt pour avoir le meilleur score possible, parce que là-dedans, tu collectionnes des gemmes, ce qui te permet de mettre à niveau ton personnage. Tu peux augmenter sa santé, son pouvoir gravitationnel, tous ses pouvoirs. Ben, tu le recommences souvent pour gagner des gemmes, puis là, ben, t'attends 22 secondes à toutes les fois. Si tu joues le soir comme moi, un moment donné, ce qui va arriver, c'est que ta PS Vita va tomber sur tes jambes et tu vas t'endormir. Ça. Ça m'est arrivé à multiples reprises, ce qui fait que j'ai pas fini le jeu encore. Mais c'est un excellent jeu. T'sais. 40$ pour ça, c'est de la bombe quand même. Là. Puis les petites affaires que j'aime pas sont pas assez pour pas le recommander. Là. Okay. C'est excellent. C'est vraiment un achat à coup sûr pour la PS Vita. C'est pas le killer app, par exemple. Okay. Vraiment pas. Il y a assez de problèmes dans le jeu pour dire que c'est pas le killer app, mais c'est un incontournable là, pour la PS Vita, il faut absolument. Excellent. J'ai posté sur le blog à un moment donné une liste, un top 10, un top en tout cas, des Hidden Gem Underrated Games du Angry Video Game Nerd. Mais tu sais que le Angry Video Game Nerd est très occupé maintenant à faire son film. Il est rendu à en faire la moitié. Donc, c'est son collègue, Motherfucker Mike, qui fait les vidéos maintenant. Il est cool pareil, très cool. Puis il a fait cette liste-là. Puis à travers la liste, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs jeux que j'ai, dont Gun Knack, The Guardian Legion, Clash at Demon Head, Félix de Cat et... Xixiz! Ça avait joué à ça quand j'étais jeune. Pas longtemps, tu sais, mais ça m'avait accroché pareil, puis ça m'était resté dans la tête. Premièrement, à cause du nom. Deuxièmement, le logo reste dans la tête. Il est beau, le logo. Il est vraiment là, beau, ça fait, ce logo-là. C'est vraiment épique, là, tu sais, puis dans l'espace, puis tout, là, c'était... Je trouvais ça très cool. Non, il est vraiment cool. J'ai pogné ça dans un bundle dernièrement. OK. Puis lors d'achat pour la boutique. Ouais. Puis je l'ai gardé, et je suis très content, et je peux maintenant vous en parler. Yeah! Alors, bien sûr, c'est un jeu de NES. Et puis, c'est sorti en 1990 en Amérique. Et puis, c'est développé par Atlus. Imagine-toi donc. Puis, ils font des jeux encore aujourd'hui, ces gens-là. Atlus, hein, ils en font plein. Ils font plus encore RPG. C'est des RPG pas mal, Atlus. C'est ça. Fait que, puis, c'est publié. Publié par Hudson Soft. Oui. Une bonne petite compagnie aussi, pareil. Oui. Là, vraiment. Avec la petite abeille dans le logo. Là. Yes. Fait que, c'est je pense tout le temps à Adventure Island quand je pense à Hudson Soft. Absolument. Puis, non, j'aimais beaucoup cette compagnie-là. Oui. Une araignée ici. Fait que, en tout cas, je vais essayer de te rapper une histoire. Là. C'est un peu bizarre. Ça se passe en 2777. Oh. La Terre a été dévastée par une attaque nucléaire et puis il y a eu des désastres. Okay. Puis là, il reste apparemment juste une île. C'est l'île de Xixiz. Oh. Puis, attention, il y a des alien robots qui attaque cette île-là. Ah ben, tabarouette. Ça, c'est pas cool. Non. Fait que toi, t'es Apollo. Okay. T'es comme le héros de l'île-là, je sais pas quoi. Puis il faut que Apollo? Tu combattes. Le gars de Rocky, là? C'est ça. OK. Non, je pense pas lui. Puis faut que t'ailles détruire Garouza et puis sauver la princesse Maria. Fait que dans le fond, tu sauves le monde puis tu sauves la princesse comme d'habitude. Tu sais, pourquoi une princesse? Tout a été dévasté, tout est détruit. La princesse, les princesses sont pas nécessaires dans ce jeu-là. Puis il y en a plusieurs. Je vais t'expliquer un peu comment ça marche, dans le fond. Ouais. C'est un petit peu compliqué. OK. Le premier segment, il y a 12 mondes. Puis ça marche, c'est que les nombres... Attends un peu, je l'ai même pris en note. Les nombres impairs, c'est des platformers. OK. Les nombres pairs, c'est des shooters, des side-scrolling shooters. Ah, c'est cool, fait ça. Ça, c'est très cool. Fait que dans le fond, tu commences en platformer, puis tu rentres, tu as des portes à rentrer pour accumuler stock et puis tout ça. Puis, tu en as un bout à faire, puis après ça, tu rentres dans un château. Mm-hmm. Dans le château, tu as un autre bout de platformer. Après ça, bang, side-scroller shmup. Ouais. Là, tu en as deux bouts de ça à faire. Après ça, ça revient platformer dans le château. Puis après ça, ultime shmup contre le boss. OK. Puis après ça, tu as comme un... Quand tu as buté le boss, tu te sauves encore en side-scroller shmup. Puis après ça, tu reviens et ça recommence. Fait que, tu sais, tu joues, mais t'as pas tout le monde est séquencé, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quand même très intéressant. Puis bon, je vais prendre segment par segment. Le premier platformer, il y a, c'est ça, tu rentres dans des portes, tu butes des monstres. Mais il y a plein de portes, là. Puis encore une fois, je les ai pris en note parce qu'il y en a plusieurs. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a, premièrement, une porte avec des filles qui flottent en haut qui t'expliquent « Ah, la princesse de ce royaume-ci est dans le château, elle s'appelle Terre, va la chercher, tu sais. » Puis il y a aussi des vendeurs robots qui te donnent des armes. Okay. Il y a un magicien qui te donne l'arme spéciale du tableau. Il y a un autre robot qui te fait jouer un jeu de style roulette là, pour gagner du cash. Il y a un jeu où est-ce que t'as des coffres au plafond, puis il y a un petit Lolo. Tu sais, le personnage Lolo, il se promène de gauche à droite, puis là, faut que tu le frappes avec ta tête, puis que ça frappe un coffre, puis ça te donne du cash. Okay. Puis t'as une autre fille qui fait juste te donner de l'argent. Ah, c'est fucké, là. Il y a toutes sortes d'une grenouille, tu sais, qui redonne ta life. Il y en a un autre où est-ce que c'est un bain. Ah, puis là, il faut que tu tues une espèce de tête. Puis quand tu l'as fait, il y a une fille qui sort du bain avec un casque de bain, mais tu sais, juste la tête. Ouais. Puis là, le robinet coule. Puis là, ah, merci, tiens, voilà de l'argent. Tu sais, c'est tellement bizarre. Mmh. Il y a toutes sortes. Il y a des filles dans des bains, il y a des grenouilles, il y a des princesses. Toi, t'es comme un humain. Les boss sont vraiment, tu sais, épiques. Toute ta famille est morte. Ouais, mais c'est tout est détruit. Tout est détruit, mais c'est tout ça, c'est une salade de sprites bizarres, ce jeu-là. Ouais, vraiment. Hein? C'est comme si c'était plein de jeux réunis ensemble. Totalement. Là. D'ailleurs, Lolo, qu'est-ce qu'il fait là? Si tout est détruit, ben, pourquoi Lolo a survécu? Je sais pas si Lolo était fait par Hudson, je m'en souviens pas. Ouais, il était publié par Hudson. Ouais? Ouais. Bon, ben, ils l'ont plugué, là, tu sais, dans le fond. Puis, c'est ça, tu sais, c'est vraiment fucké pour ça. Puis, dans cette première section-là aussi, il faut que tu trouves une porte en quelque part pour tuer un boss. Ouais. Tu te donnes une étoile, puis avec cette étoile-là, là, tu peux rentrer dans le château. Okay. Fait que là, les châteaux, c'est encore platformer à ce niveau-là. Ouais, c'est un peu des labyrinthes, t'sais, des mazes, mais pas trop compliqués. Fait que ça, j'étais content, là, tu sais. Puis t'as encore des portes avec les mêmes gens qui te donnent ou qui te vendent les mêmes trucs. Okay. Puis après ça, les side-scrolling shooters, les chemins. Ouais. Ça, sont quand même le fun. Ils se font bien. C'est pas trop long non plus. Tu sais, chaque segment est pas trop long. Puis, à la fin de la première section de shmup, t'as deux portes. Puis, si tu prends la mauvaise, tu recommences au début de la section. Ça, c'est un petit peu inutile, là. Puis, c'est vraiment downer, tu sais. Parce que, non, faut que je le refasse. Fait qu'à chaque fois, si tu meurs, faut que tu te souviennes où est-ce que t'as passé, là. Les autres, c'est juste un code. Ils ont fait comme, on fait ça de même. Ah ouais, c'est ça. Ça détruit la vie de plein de joueurs. Totalement. C'est carrément inutile de faire ça. Tu arrives au bout, là. Ouais. Fait, va pas recommencer, là. Ouais, c'est sûr. Puis, c'est ça. Mais les boss sont vraiment, vraiment beaux. Ils sont comme mécaniques. Un espèce de gros poisson, un gros robot là, qui te lance des affaires. Moi, c'est le plus gros souvenir que j'ai. Ils sont comme animal mécanique un peu. Là. Ouais, c'est le meilleur souvenir que j'ai de ce jeu-là. Moi, c'était les boss. Parce que je me souviens même que derrière la boîte, tu avais une photo de boss. Puis c'était vraiment impressionnant. Là. Ah ouais, ils sont très impressionnants. Dans ce temps-là, c'était ça aussi. Tu voyais un boss comme le dragon dans Mega Man 2. Puis là, t'es comme « Ah, j'achète ça tout de suite. » J'ai juste besoin de ça. Mais non, moi, les boss m'ont vraiment fait triper là-dedans. Là. Mm. Fait que dans le fond, c'est un peu de même que ça se passe pour un monde. Okay. C'est genre 6 fois ça pour 12 niveaux. En tout cas, c'est un petit peu mélangeant. Là. Ouais, mais c'est le même tout le long. Ça devient un petit peu redondant des fois parce que c'est le même pattern. Mais vu que c'est coupé en shmup et platformer, tu sais. Mais il faut que tu fasses tout le temps la même affaire. Tu sais, que tu ramasses l'étoile, rentrer dans le château, aller à la bonne place. Puis fait que ça, pour ça, c'est un petit peu plus plat. Ouais. Puis, mais quand tu arrives à la fin, par exemple, au dernier monde, là, tu fais pas juste passer la porte. Tu as 3 gardes importants qu'il faut que tu tues. Okay. Ça, c'est un petit twist de plus. Puis, suite à ça, tu rentres dans le... Tu tues le boss de fin. Là, tu penses que c'est fini, mais non, il te reste un dernier petit niveau à faire. Ça, c'est très cool. C'est un tube shooter, comme G-Ross. Où est-ce que ton vaisseau... Ton ennemi est dans le milieu, ton vaisseau, il tourne autour comme ça, là. Fait que, puis là, faut que tu détruises la forteresse de l'ennemi qui est au loin, puis toi, tu chaudes dessus. Fait que, quand même assez dur, mais très faisable. Cool. Mais ça, c'est tellement un ajout agréable. Ouais, vraiment. C'était vraiment cool, ça. J'ai été surpris d'avoir ça à la fin. Fait que la fin, pas très mémorable, mais dans l'ensemble du jeu, c'est vraiment le fun. Puis aussi, quand tu finis le jeu, il te donne 2 passwords. Ah, aussi, les passwords là-dedans sont très cool. Ils sont pas longs, t'sais, ils sont pas compliqués. Là. Je pouvais les noter facilement. Là. Ça c'est me faisait pas des pas logos, chier. Ça n'a pas 32 lettres. Non, c'est pas 2 rangées de 4 comme Kid Icarus, là, t'sais, un cauchemar de même. Ah. Là, c'était cool. Il te donne 2 passwords à la fin. Un te permettant de faire juste les shmups contre les boss, puis l'autre les autres schmops contre l'autre section de boss. En tout cas, c'est comme pour le gars qui veut juste jouer en schmop. Oh, oui. Fait que c'est un beau petit bonus. Ah, c'est cool. Puis ça coûte combien, ça, ce jeu-là? Ça, ce jeu-là, il coûte 12$. OK. 10-12 à peu près. C'est pas un jeu qui est rare. C'est vraiment un hidden gem parce que même si je dis que c'est redondant puis ça l'est, c'est le fun. C'est le fun à refaire, tu sais. Puis les armes que tu pognes sont le fun, tu sais, sont variées. T'as des magies aussi qui sont variées. Ça se contrôle très bien. Le personnage, il jump. Il y a un peu platforming de, tu sais, comme faut que t'atterrisses à la bonne place, là, avec un ennemi qui te pousse dans le trou, vraiment cheap. Un petit peu, mais tu sais, pas assez pour te faire recommencer tout le temps. Puis quand tu meurs, tu recommences jamais trop loin, tu sais. Puis t'as des continues tout le temps. Fait que, numéro un, moi j'ai passé au travers de ça, puis j'avais vraiment du fun à jouer, j'avais hâte d'y revenir. J'ai vraiment eu du fun à jouer à ça. Ah, cool. Donc, un bon petit jeu. Si vous le voyez, ça vaut la peine. Hi-ha! On va parler de... Fais-moi pas peur demain, mon tabarnache! Fais-moi plus ça! Je vais parler de Gunman Clive. Un jeu de cowboy. Ouais, un jeu parce de cowboy. Parce qu'on aime ça, nous autres, les jeux de cowboy. Mais c'est vrai qu'on aime ça. C'est le fun, les jeux de cowboy. Puis, Gunman Clive, ce qui a fait que ça m'intéressait comme jeu, c'est sur iOS. Oui. En passant. Puis toi, t'aimes ça, le téléphone. Moi, j'aime ça, le téléphone. J'aime ça, le téléphone. Puis en plus, ce que j'aime, c'est qu'il y a certains jeux que t'achètes, puis tu peux jouer sur toutes tes consoles iOS. Fait tu peux jouer aussi sur ton iPad, puis c'est la même version, mais elle est adaptée pour l'iPad. Fait que t'as le niveau de graphisme est plus haut sur l'iPad. Ça, c'est le fun quand t'achètes ça. T'as un deal, plusieurs versions. Fait que c'est ça. Fait que Gunman Clive, ce que c'est, puis ce qui faisait que ça m'intéressait, c'est que c'est un jeu de cowboy, mais en plus de ça, j'ai su que les développeurs s'étaient inspirés fortement de Mega Man pour faire le jeu. Cool. Fait que je trouve ça cool. T'sais, Mega Man rencontre un western. Pour moi, c'est comme une formule gagnante. Là. Ouais. C'est vraiment écœurant. Ben écoute, il y avait Tomahawk Man, je pense, dans le 6 ou dans le 5. Là, mais ben oui, c'est vrai. En tout cas, il a pas marqué l'histoire. Non, pas vraiment. Non, puis c'est ça. Puis si on regarde la bande-annonce du jeu, c'est quand même assez impressionnant pour un jeu iOS parce qu'il y a des gros boss. Ouais. Le design des niveaux est vraiment très bien fait. C'est tout brun, c'est monochrome, à part les boss qui sont bleus. C'est ça, les boss sont tout le temps de notre couleur, sont bleus, sont jaunes. Il y a tout le temps un petit peu de couleur dans ces ennemis-là. Puis c'est vraiment un jeu, là, je veux dire, tu joues à ça comme un platformer, tu tiens ton téléphone comme une manette de NES, puis ça joue comme un jeu de NES. C'est la même affaire. Ouais. C'est pareil comme Mega Man aussi, même par l'audio. Okay. La musique est écœurante, est très rétro, c'est vraiment inspiré du rétro. Je dirais pas que c'est du 8-bit, ni du 16-bit, mais ça ressemble, ça a vraiment la vibe des vieux jeux. Ça me fait penser aux trames sonores de un mélange de la trame sonore de Mega Man 2 puis de Ninja Gaiden. Wow. C'est vraiment vraiment dans ce style-là. Puis j'ai vraiment très bien reconnu les deux jeux. Là. J'ai même pas eu besoin de me dire à quoi ça ressemble. Ça me disait exactement ça. Nice. Fait que tu vois que les gars, ils ont vraiment l'inspiration là. Les niveaux sont écœurants. L'affaire que j'ai moins aimée, c'est que les contrôles, des fois, t'as besoin d'être vraiment hyper précis. T'sais. Tu fais des sauts. À un moment donné, il y a même, t'es dans une caverne, puis il y a des blocs qui apparaissent comme dans Mega Man. Comme dans Mega Man, un pattern, tu sais. Puis, t'as besoin de sauter au bon moment, tu sais. Puis, sauter au bon moment ou shooter au bon moment, c'est pas un problème. C'est que, des fois, t'essaies d'aller en avant, mais ton pouce est trop gros. Fait que là, ton bonhomme va en arrière, tu sais. OK. C'est un problème de c'est avec un bon D-pad, problème. Ça serait pas un problème. Attends. Exactement, tu sais. OK. Fait que c'est pas un problème que j'ai eu souvent, mais c'est arrivé quand même. On peut fixer ce problème-là en changeant les trucs dans les options. On peut s'arranger pour que notre pad soit pas tout le temps à la même place. Dépendant d'où on met notre doigt, il s'adapte. OK. Fait que ça va mieux, ça arrange les choses, puis on fait beaucoup d'updates pour le jeu, beaucoup de mises à jour pour le rendre le meilleur possible. Okay. Ça, c'est le fun quand les développeurs font ça, ils mettent vraiment beaucoup de travail pour que tu aimes leur jeu à leur juste valeur. Puis ça fonctionne à merveille. Gunman Clive, c'est vraiment excellent. Ça coûte 2$, c'est pas grand-chose. Si vous jouez sur un iPhone, moi, ce que je conseille fortement, c'est d'enlever l'espèce de filtre qu'ils ont mis qui fait que tu as tout le temps un grain qui bouge dans toutes les textures. Pour le look, ça? C'est pour le look, mais ça ralentit le jeu. Ah ouais, c'est vraiment, il y a un ralentissement que moi, j'ai remarqué. Puis un jeu comme Megaman, tu peux pas avoir de ralentissement. C'est snap, snap, dès que je veux sauter, faut que je saute. Ouais, c'est ça. Fait que là, t'as pas de ralentissement. Puis dans Gunmount Live, tu tires tes ennemis, t'as plusieurs types d'ennemis. Des fois, tu vas avoir des vaches qui vont venir vers toi, okay. des poules, des coyotes. Tu vas avoir aussi des ennemis, des cowboys qui vont te tirer, qui vont sortir des trappes dans le plancher. T'en as aussi qui vont te lancer des grenades. Les boss sont grandioses, c'est énorme, vraiment gigantesque, là, des gros, gros boss qui font toute la taille de l'écran, puis des fois même plus gros que ça. Il y en a un qui est comme Bionic Commando, on dirait. Il y a un bras qui a un grappin. Là, oui. C'est vraiment cool, ça. Non, c'est vraiment inspiration cool. Capcom. Ben, il y a vraiment plein d'hommages là-dedans, mais c'est des hommages vraiment... tu t'en rends compte, mais c'est pas direct. Non, c'est ça. C'est assez indirect pour que tu puisses dire « OK, c'est un hommage, c'est pas de la copie. » T'as-tu plusieurs sortes de guns là-dedans? Oui, t'as plusieurs sortes de guns. Tu commences avec un genre de pea-shooter, comme d'habitude. Là, tu tires, puis that's it. Il y en a un que c'est comme un spread gun, fait que tu tires trois balles qui vont dans trois directions. Il y en a un autre que tu tires, puis c'est comme une grenade. Tu tires, puis ça explose. À l'impact, puis ça c'est vraiment utile parce qu'à un moment donné t'as vraiment plein d'ennemis partout puis t'en as besoin. Puis pour les boss qui sont vraiment difficiles, ça va être utile d'avoir des bonnes armes. Le jeu donne des chances quand même en te donnant des armes relativement souvent. Puis évidemment y a pas de game over là-dedans. Je veux dire, tu meurs puis tu recommences à la même place où t'étais. Ouais. Fait que c'est là-dessus on te donne de l'aide, mais c'est un jeu qui est très difficile. Je pense que les nouveaux joueurs vont peut-être avoir de la misère à l'apprécier parce qu'il est vraiment difficile. Okay. Un peu dans le style sur iOS, j'avais critiqué, Collins... Mega Man X? Le Ninja. Ah, One Bit Ninja. Ouais. Ça me fait penser un peu à One Bit Ninja en termes de difficulté. C'est pas évident. Okay. Fait que ça peut faire reculer certains joueurs, mais c'est là, 2$, c'est rien là, pour une console comme ça. C'est vraiment le fun. Moi, j'espère que le développeur va mettre ça sur une autre console. Ouais. Parce qu'avoir eu des meilleurs contrôles, je l'aimerais encore plus. Là, je l'aime malgré les contrôles. J'ai des problèmes des fois, mais je l'aime pareil, puis je le continue, puis j'ai vraiment, vraiment du fun. OK. Wow. Alors, nouveau jeu pour moi. Ouais. En fait, c'est même pas à moi ce jeu-là, c'est une commande d'un client. Ah ouais? Mais moi, j'en profite pour jouer avec le stock de mes clients avant de leur vendre. Ah oui, c'est ça, il est pas emballé, c'est carré. Ah, je fais attention quand même. Il s'agit de Mario Pinball Land au Game Boy Advance. Je savais même pas que ça existait, moi, Mario Pinball Land. Non. Parce que, en fait, c'est depuis que je te connais que je m'intéresse plus aux jeux de pinball. Là. Donc, moi, dès qu'il y a le mot pinball dans un jeu, c'est comme ça. J'achète, that's it. Fait que quand je me suis fait passer la commande, j'étais bien content. J'ai réussi à le trouver à bon prix. Environ 10-12 piastres que ça vaut ça aussi. Alors, c'est pas compliqué. Mario et la gang, ils sont à un party, là, une fête foraine. Ah, ouais. Puis là, Peach a... Elle embarque dans une affaire qui met le monde en boule, puis elle embarque dans un canon, puis là, tu te fais tirer dans le canon, c'est merveilleux. Mais le canon est opéré par des Goombas. Ah ben, fait que là, eux autres, ils canonnent la princesse direct dans le château de Bowser. Les sales. Les écœurs. Fait que toi, tu te mets en boule aussi, puis tu pars à l'aventure à travers les mondes de Mario Pinball Land. Puis pour sauver la princesse, bien sûr. Puis il y a plusieurs mondes là-dedans. Là. Je regarde un peu ici, là. Au début, excuse-moi. Ben, les mondes de Mario, t'as le désert, t'as la genre de, tu sais, la campagne de Mario avec les boss, les montagnes vertes, là, tu sais. T'as de la neige, t'as le château de Bowser. Ouais. Puis c'est tout, dans le fond, j'en ai pas vu d'autres. À moins qu'il y en ait plus loin. Il y a un tableau de neige dans ce jeu-là. Ouais, ben, je pense que je viens juste de le dire. Ouais. Ouais. Je pas je regarde le logo Mario Pinball Land derrière toi, j'étais comme j'aimerais tellement ça jouer. Ben tiens, tu peux jouer si tu veux. Choisis-toi un monde. All right. Puis c'est ça. Donc ce qu'il faut faire là-dedans, c'est ramasser des étoiles le plus possible. Dans le fond, ben un niveau a plusieurs niveaux à l'intérieur. Oui. Puis tu commences, t'as des pinballs, t'as des affaires, des obstacles, des bébites, des méchants, du stock là, tu sais, puis t'as des portes plus loin, qui te permettent d'aller plus loin dans le niveau. Exact. Là, t'sais. Puis, mettons, si on prend le tableau de la glace, au début, bon, c'est la patinoire puis tout. Après ça, whoop, c'est comme un tableau où est-ce qu'il peut y avoir un trou qui se fait. Puis là, quand tu tombes dans ce trou-là, tu te retrouves encore plus loin, sous l'eau. Puis là, une fois sous l'eau, tu peux rentrer dans un bateau. Fait que tu rentres dans le bateau. Fait que, tu sais, il y a plusieurs... Quest, là. C'est un quest. C'est un gros tableau. C'est comme un pinball quest, là, carrément. Ouais. Puis il y a plusieurs niveaux dans le niveau, là. Ça se rend quand même assez loin. Puis tu peux jamais mourir. Tu peux juste mourir au premier niveau. Fait que si t'es rendu genre 4 niveaux plus loin, puis tu tombes dans le trou, tu tombes dans le trou, tu tombes dans le trou, ben c'est juste au début que tu meurs. C'est vrai. Fait que ça, c'est assez cool. Mais ben c'est comme le jeu de le jeu de Metroid là, que j'adore, ouais, Metroid Pinball là, ouais. À la DS, c'est le même principe là, c'est la même affaire, c'est juste que là, okay, c'était Mario. Ben c'est ça, puis mais ce qui est venu me gosser dans ce jeu là, tu sais, c'est que t'arrives jamais à faire ce que tu veux là, tu sais. Mais c'est un jeu de pinball. Ben oui, je le sais bien, mais faut que tu le contrôles. Il est dur à contrôler. Premièrement aussi, il y a beaucoup de niveaux qui sont en rond. Ouais. Ou en, tu sais, des tableaux ronds, ouais, là, ou carrés étranges, là. Ouais. Ta balle, elle fait le tour tout le temps, tu sais, puis... C'est normal. C'est parce qu'il faut que tu apprennes à mettre ton paddle comme du monde, puis à saisir ses quelles... Ben non, je sais, là, tu sais, il faut que quand il revient, tu sais, tu mets ton paddle de même, puis là, tu sais. Mais C'est mathématique, man, le pinball. Je sais bien, mais là, c'est mathématique qui faisait chier un peu, tu sais. Puis même Bowser, à la fin, c'est un... Ben, à la fin, je sais même pas si c'est la fin, là. J'ai pas réussi à le tuer parce que c'est tellement chiant, là. Ouais, non, c'est Bowser, comme quasiment impossible. C'est vraiment du gossage, en fait, ce jeu-là. Mais oui, le pinball... Mais le pinball, c'est... Je sais. Le pinball, c'est du gossage. Même, mais ça, c'est du gossage un peu vide ou redondant. Tu sais, t'as pas... Tu vires en rond tout le temps. Tu ne fais que... Je sais, une machine à boules, tu peux pas sortir de la machine à boules et tu vires en rond dedans. Mais c'est plate, tu sais. C'est pas plate, mais c'est pas... Mais moi, je pense que ça c'était le fichier de travail pour faire le Metroid Pinball. Peut-être. C'est pas assez complet, je trouve. Il n'y a pas assez de choses dans les niveaux. Tu sais, il pourrait avoir, je sais pas, moi, un tube, même une place. Tu sais, c'est pas j'suis machine d'accord à boules par section. Oui. C'est juste comme un carré, des bébites, oui, deux portes au bas. Oui. C'est tout le temps juste ça, tu sais. Puis bon, là, à chaque niveau, il faut que tu réussisses à faire le petit défi du niveau. Ouais. Mettons, tuer toutes les tortues qu'il y a là ou péter deux, trois trucs. Là, tu as une étoile. Mm-hmm. Puis le nombre d'étoiles que tu ramasses te permet d'ouvrir les portes plus loin puis d'aller de plus en plus loin dans chacun des niveaux. T'sais. Ça, c'est cool. Ouais. C'est ça, le quest, finalement. Tu as des petits toadstools qui te vendent des éclairs. Des œufs de Yoshi qui sont comme une deuxième balle. Un truc pour rapetisser. Les éclairs, c'est très, très, très pratique parce que tous les niveaux où est-ce qu'il faut que tu butes tout le monde, t'arrives, bang, éclair, tard, ouais, tout le monde est mort, tu ramasses l'étoile, tu sais. Ça, c'est très cool. Puis, ben, c'est ça, tu ramasses des scènes aussi pour acheter ça, des scènes bleues pour faire d'autres niveaux avec, ouais, des boulets. Comment il s'appelle, le boulet de canon, Bullet Bill? C'est, ouais, Bill? Ben, il me semble que c'est ça, Bullet Bill. Je m'en rappelle plus. En tout cas, il me semble que c'est ça. Probablement. Puis, fait que c'est ça. Mais je trouve que chaque niveau est un petit peu vide. T'sais, il aurait fallu plus, ouais, plus de stock dedans parce que, justement, t'es tout le temps en train de virer en rond. Fait que tant qu'à virer en rond, mais moi, ça le fun un peu. Puis ouais, je trouvais que ça manquait un peu de substance, tu sais. Mais c'est vrai que ça... C'est vrai qu'il... Moi, c'est ça. C'est peut-être la seule affaire de ce jeu-là qui m'avait fait décrocher à un moment donné. C'est que je trouvais que... Ben, ça me dérangeait pas que le tableau soit vide un peu en termes de rampe puis tout ça. Mm-hmm. Mais j'aurais aimé ça avoir plus d'ennemis. Ouais. Plus de d'affaires qui arrivent dans mon chemin, puis pouvoir les tirer, les shooter, tout ça. Dans Metroid Pinball, c'est complètement ça qui arrive. Là. T'as plein de bébites qui arrivent d'un coup, des rampes, t'en as plein, là, vraiment. Ouais. Moi, je pense que eux autres voulaient un peu réinventer le jeu de pinball digital. Il l'avait fait un peu, mais ça a été fait surtout sur d'autres machines que Nintendo. Nintendo avait pas été vraiment fort pour les jeux de pinball auparavant. Mm. C'était plus comme, entre autres, les jeux comme Sonic Spinball. Ouais. Qui était vraiment un bon jeu qui, ouais, changeait la formule de pinball. Ben, c'était différent aussi parce que Sonic, en fait, c'est de vraiment 2D. C'est là, vraiment 2D vertical. Mais c'est vrai que ce jeu-là, j'ai oublié de le mentionner, il est en perspective, oui, là, comme, oui, une vraie machine isométrique, à boules. Isométrique, c'est ça. Le fond est plus petit que le, ouais, devant. Là. Mais non, écoute, je pense que je suis rendu loin. Là. Je me bats comme Bowser, fin, mais il y a d'autres choses aussi, ouais, que j'ai pas assez d'étoiles pour y aller, malheureusement. Puis tu sais, j'ai joué, ça fait un bout là, que Rétro Nouveau, on était on hold. Ouais, fait, ouais, que j'ai joué beaucoup il y a longtemps. Ouais. Puis là, je me suis dit, je vais rejouer, tu sais, me remettre dedans, puis voir si je suis capable. Ouais, là, non, j'ai plus envie de jouer à ça. Aïe, aïe. C'est... Mais j'ai pas trouvé ça marde, là, tu sais. Mais oh, j'ai trouvé, oui, ça comme pas... j'ai décroché, puis j'ai plus envie de jouer à ça. Okay. Je sais pas. un petit peu déçu. Content de l'avoir connu, ouais. Mais je pense pas que je vais te rappeler. Mais tu penses pas. Un peu de même, ça s'est passé avec ça. Donc, ben en tout cas, si vous le voyez, c'est 10-12$, mais ouais. Si vous pouvez le dealer à 5$, mettons, dans l'usager ou quelque chose comme ça, ça vaudrait vraiment la peine. Okay. Ben, même à ce prix-là, je veux dire, si vous êtes un fan, mon client, il veut ça, c'est parce qu'il aime ça. Allez-y. Ben, moi, je te l'aurais recommandé. Moi, je te l'aurais recommandé. Toi, tu là. Tripes là-dessus, ben, oui. C'est ça. Mais bon, moi, c'était un peu moins. Mais c'est un bon jeu quand même. Alors, tu parles de quoi? Moi, je parle du deuxième épisode de Walking Dead. Oui, monsieur. J'avais joué au premier épisode, j'en avais parlé à Rétro Nouveau, puis j'ai vraiment trippé. Fait que là, moi, je me suis embarqué là-dedans. Je vais faire tous les épisodes, un à un. Il va en avoir combien? Parce que je trippe. Sais-tu? Il va en avoir 5. 5, OK. 5 épisodes. Je m'attendais à ce que ça sorte un petit peu plus rapidement quand même. Parce que là... Parce que toi, t'es un consommateur agressif. T'es comme, oh oui, yeah, là! Les gars, ils rushent là-bas dans le studio, man, font des burn-out. Mais vite, faut que les consommateurs... les gars, ils attendent. C'est sûr. En plus, il n'y a pas vraiment de jeu l'été, tu sais. Il n'y en a pas tant que ça. Fait ouais, que, c'est ça. Ces gars-là méritent pas de vacances. Fait que qui travaille, tabarnache? Ouais, c'est ça, qui travaille. c'est ça, fait que j'ai trippé au premier. Là, je suis sur le deuxième. C'est Starved for Help, ce qui voudrait dire affamé pour de l'aide. Ouais. Puis c'est ça, c'est Telltale Games qui font ça. Eux autres, ils ont fait beaucoup de jeux épisodiques comme ça. Comme entre autres, le dernier, il y a eu Jurassic Park. Oui, oui, oui. Qu'ils ont fait récemment. Ça a l'air que c'est un navet épouvantable. Il paraît, ouais. Y a Sébastien Bouchard qui en a parlé dans Fun Jouer Jeux. Ouais. Puis c'est ça, c'est sur PlayStation Network, XBLA, c'est sur PC aussi. Ça coûte 5$. Pas cher. Là-dedans, mais hein, c'est pas cher. C'est 2 heures de plaisir en passant à toutes les fois. Là, c'est à peu près 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. OK. Là-dedans, t'incarnes Lee Everett. C'est un survivant qu'on a trouvé dans le premier épisode. C'est un gars, on sait pas trop son passé. On arrive à le connaître peu à peu. Puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais il a l'air d'avoir un secret assez lourd à porter. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Puis plus ça avance, plus on en apprend sur lui. Puis dans celui-là, on se retrouve après le premier épisode. Puis d'ailleurs, si vous avez pas essayé le premier épisode, arrêtez d'écouter ça tout de suite, parce que c'est sûr et certain que je vais vous vendre des punches du premier. Ouais. Bref, là-dedans, dans le deuxième épisode, on rencontre un nouveau membre qui s'appelle Mark. Puis ce nouveau membre de l'équipe-là va nous amener à un autre endroit qui est comme une ferme laitière où il y aurait... où il y aurait vraiment de la nourriture pour tout le monde, abondante, comme ça se peut pas. Donc là, on se dit, waouh, on va déménager le camp là. On était à l'hôtel, là, on s'en va là parce que l'hôtel, c'est vraiment de la merde. Puis on a perdu beaucoup de monde. Il a fallu que tu fasses des choix moraux dans le premier épisode où il fallait que tu choisisses qui allait mourir, qui t'allait sauver. Ça, c'était très stressant. Puis c'est ouais. Le fun parce que quand on commence le deuxième épisode, on commence notre deuxième épisode avec la personne qu'on a sauvée. Okay. Si on a sauvé des personnes, fait c'est le fun. Le jeu commence vraiment à... C'est très personnalisé. Là. Tu sais, tu continues et tu fais comme « aïe, aïe, c'est là qu'on ça, est rendu hein. ». C'est le fun dans la bande-annonce. Il montre que Telltale Games ont fait un fonctionnement dans le jeu qui envoie tes données sur le web. Puis ça dit au début, genre 96% des personnes ont sauvé lui. Ah ouais? 16% ont sauvé elle. Tu sais. Wow. Ça dit tout, genre, si t'es dans la masse. Tu sais. Ouais. Je trouvais ça super le fun, brillante idée. On te le montre au début du premier épisode, du deuxième épisode. Puis c'est ça, bref, on s'en va là vers cette ferme laitière-là. Puis il y a aussi des ennemis qui sont des bandits. Ouais. Du monde qui veulent nous voler littéralement. C'est des humains, c'est pas des zombies. Puis ils nous tirent dessus, on sait pas pourquoi. Bref, beaucoup d'énigmes dans cet épisode-là. C'est un épisode qui est extrêmement lugubre. Okay. Tous les personnages à qui on parle sont louches. c'est vraiment bizarre. Il y a quelque chose qui va se passer dans le deuxième épisode que je vous raconte pas parce que, oui, je dis ce qu'il y a par rapport au premier, mais je donnerai pas de punch pantoute du deuxième. Il y a quelque chose qui se passe dans le deuxième qui m'a littéralement fait faire comme oh, non! Tu sais. Puis j'étais chez nous, là, puis wow. Je jouais à ça, puis je suis comme... Aïe, tu sais, puis j'étais mal, tu sais. c'est brillant. La façon que c'est écrit, c'est, ouais, ces choses-là, hein. C'est ceux-là qui ont travaillé sur la BD de Walking Dead, des BD que j'ai suivies, que je lis encore. C'est phénoménal le travail qui est mis là-dedans. C'est vraiment, c'est du bonbon. Il y a notre caméraman Jean-François Combe qui m'en parlait tantôt, ouais, qui lui est rendu au 7e tome, qui adore aussi. C'est vraiment des excellentes BD. La série est très bonne, mais les BD sont encore meilleures. Okay. Puis c'est ça. Bref, dans cet épisode-là, si je donnerais les points positifs, les points négatifs, parce que je veux pas vendre de punch ni d'en parler trop sur l'histoire, le script est hallucinant. C'est vraiment bon. Je l'ai trouvé supérieur au premier. Okay. Développement des personnages, les interactions avec les autres personnages, les interactions avec Clémentine, qui est la petite fille qu'on a ramassée dans le premier épisode, qui nous suit. Des fois, on sent un peu des malaises. Des fois, on a l'impression qu'elle ne nous fait peut-être pas aussi confiance qu'au premier épisode. Ouais. C'est intéressant. C'est le fun parce que j'ai vu d'ailleurs un gars de Destructoid qui a dit ce qui est le fun de Clémentine, c'est que pour la première fois, je suis pas agacé par un personnage, ouais, enfantin. Ouais, ouais. Puis c'est vrai, elle est pas agaçante, elle est pas fatiguante. Pas dans tes pattes ou en train elle de te jamais ralentir. Dans tes jambes. Là. Okay. Non, non, non, elle te ralentit pas. T'sais. Puis il y a même dans le deuxième épisode, à un moment donné, la boss du clan a dit, ben si tu veux voir c'est quoi d'être le boss du clan, ben distribue la bouffe aux survivants. Tu vas, okay, voir que c'est tough. Faut que tu donnes de la bouffe à 4 des 9 personnes qui sont avec toi. Okay. C'est terrible parce que tu donnes la bouffe à une personne, puis à cause de ça, il y a une autre personne qui va dire, ouais, ben, tu sais, j'aurais plus d'énergie, mais j'ai faim parce que tu m'as pas donné de bouffe, mon sale, tu sais. Puis étant maudit contre toi. Ouais, tout ça a, ouais, des répercussions. Tout ce que tu fais a, ah, des c'est répercussions. Tordu, là, ouais. C'est tordu, mais c'est vraiment excellent. Les contrôles du jeu sont toujours aussi le fun. C'est encore la croix. On continue à aller sur les personnages. Quand on se bat contre un zombie, on met la croix sur le zombie, puis on va le frapper. Il y a des zombies? Oui, il y a des zombies, ah, parce, okay, que The Walking Dead, c'est à propos des zombies. Ah, c'est okay, que okay. Y a des zombies partout, puis nous autres, on essaye de survivre. D'accord. C'est tout simplement ça. Mm. Puis, The Walking Dead, c'est surtout basé sur les rapports humains. Donc, contrairement aux autres films, séries, qui existent de zombies, on passe plus de temps sur l'humain. À gérer sur, le clan. Puis à gérer le clan puis à ce qui se passe. C'est vraiment une approche plus humaine à ce qui se passerait vraiment s'il y avait une invasion zombie. Ouais. Puis c'est ça. Bref, j'ai trouvé ça le fun, le deuxième. J'ai trouvé excellent. Je donnerai rien de mal, à part le fait que tu as moins de sacrifices humains à faire. Dans le premier, il fallait que tu fasses des choix moraux qui faisaient que tu sacrifiais une personne pour en sauver un autre. Mais là, dans celui-là, t'en as pas vraiment. Okay. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, je l'ai trouvé plus facile que le premier. Okay. Mais ça change rien parce que ce jeu-là, on y joue pour l'histoire, pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces personnages-là. C'est pour ça que tu deux mois, j'ai trouvé ça long. Tu peux pas rater ce jeu-là, je veux dire. T'as pas le choix vraiment, de le finir, c'est comme un épisode. Tu le rates, tu meurs souvent, puis ouais, tu te réessayes, puis tu finis par l'avoir. Okay. L'affaire qui diffère ce jeu-là de n'importe quel autre jeu, c'est que tous les choix que tu vas faire ont de l'importance. Ouais, ouais, ouais. Si tu décides, entre autres, comme je t'ai dit tantôt, de ne pas donner de la bouffe à quelqu'un, il va t'en vouloir pour tout le restant de l'épisode. Mm-hmm. Puis aussi, des fois, tu vas dire quelque chose à quelqu'un qui va le froisser, fait que peut-être qu'il va te faire moins confiance. Fait que c'est vraiment intéressant. Je veux dire, 2 heures pour 5$, 2 heures de qualité comme ça, là, ouais, rares sont les films qui arrivent à me faire apprécier que j'ai payé 5$ pour les payer. C'est comme se louer un film. Là, c'est comme se louer un film de Walking Dead, sauf que c'est nous autres qui décident de l'histoire dans un sens. Puis on a un choix à la fin de l'épisode 2 qui est déchirant, qui permet de savoir si on est une bête féroce ou si on est humain. Okay. Puis ça, je vous laisse le découvrir. Mais entre autres, la twist, là, vous allez capoter, sérieusement. Je veux pas mettre la barre haute parce que je sais que vous allez dire comme « Oh, finalement, c'est juste ouais, ça. » Mais c'est ça. Mais il y a une twist dans le jeu. Moi, je l'ai apprécié. J'ai tellement trouvé délicieuse. C'est tellement bien monté, là. J'ai hâte que vous jouiez à ça et que vous m'en donnez une nouvelle. C'est excellent, là. 5$. Come on. Ouais. Quoi tu veux parler, hein? Autre jeu de Hudson Soft, ouais, cette semaine. Il s'agit de notre copain Félix le chat, mesdames et messieurs. Félix de 4, donc. Yes. Onès. Ouais. Mais c'est disponible également au Game Boy, à ce que j'ai vu. Puis, c'est le même jeu? Il paraît que c'est le même jeu. Okay. Mais attends un peu que je regarde mes notes. La version Game Boy, il y a moins de niveaux. OK. C'est tout. Mais okay. Ça serait le même... Ben, je... Ouais, ça doit être ouais, le même jeu. Carrément le même jeu avec le moins de niveaux. D'après ce que j'ai vu au NES, ça se pourrait. Il doit avoir aussi moins de stock dans le background. Ouais, c'est ça. Ça. Mais voilà. Alors, c'est sorti en 92 pour le NES et en 93 pour le Game Boy. OK. Excusez-moi. Puis, bon, c'est pas compliqué. Hein? C'est le professeur. Comment? Moi, j'ai jamais écouté ça, Félix le chat. Moi, je l'ai écouté, mais peu, j'étais tellement petit que... Quand je tombais dessus, je checkais un peu. Mais tu sais, j'ai jamais c'est voulu ça. Écouter ça vraiment. Je serais jamais capable de dire c'est quoi exactement l'histoire. Hein? Ben, c'est le Mad Professor qui... il s'appelle vraiment Mad Professor. J'ai pas trouvé de nom. Okay. Qui kidnappe ta chick. Ben, en fait, ta poussie. Qui s'appelle Kitty. Kitty. Puis, il faut que tu la sauves. Pas okay. Plus compliqué que ça. Et pour ce faire, t'as 9 mondes. Okay. Qui sont. T'as, mettons, 3 niveaux par monde, donc. Oui, oui. Un 1, un 2, un 3. Puis à la fin d'un 3, boss. OK. Puis, mais ça se passe très vite. C'est un platformer, là, vraiment. Bon, oui, c'est platformer vraiment classique. Au là. Max, là. Hyper classique, là. Pas compliqué. Puis, t'as. Dans le fond, pour faire ça, t'as ton sac. Tu commences à la base, ton sac, il y a juste un genre de petit coup de poing là, qui sort de ton sac. Puis okay. tu y upgrade. T'as 3 niveaux d'upgrade de sac, dans le fond, que tu peux avoir. En pognant des faces de Félix le chat qui flotte un peu partout dans les airs. Puis après ça, mettons, tu deviens un magicien. Après ça, tu deviens un char. Ah, puis après ça, tu deviens un tank, c'est vrai. Oh. T'as des niveaux. Ouais, hein. Mais le tank, il est poche parce que tu tires un boulet de canon qui rebondit. Tu sais, c'est moins efficace que le char, je trouve. Tu sais, il est pas précis. Mais non, c'est ça. C'est supposé être plus puissant, là. Ben ouais, mais c'est un petit peu raté à ce niveau-là. Mais c'est quand même super bien fait. Puis, il est rapide. Il est super rapide, super précis. Ça, c'est une bonne qualité de ce jeu-là. Là. C'est, le contrôle est top-notch, là. Ouais, puis, vraiment. C'est super bien fait. Tu tombes pas dans le trou. Tu peux aller très vite pour clencher le niveau aussi, si tu veux. C'est cool. Ça, c'est vraiment hot. Puis, il y a... Il y a, à chaque niveau, il y a un sac magique qui est caché. Okay. Que tu rentres dedans, puis c'est un petit tableau bonus que tu ramasses encore des faces de Félix. Puis il y a aussi comment ça fonctionne, c'est qu'une fois que quand tu power up, puis tu te fais toucher, tu descends d'une coche, tu sais. Fait que si t'es rendu au tank, tu vas redevenir dans le char. Puis après ça, tu vas redevenir magicien. Puis après ça, tu vas redevenir tout nu avec juste ton sac à coups de poing. Puis là, après ça, tu meurs. Ou tu meurs en tombant dans le trou. Le sac à coups de poing. Le sac à coups de poing, mesdames et messieurs. Puis, c'est ça. Chaque monde est comme différent, mais très pareil. Là, ouais, c'est ça. C'est la glace. C'est dans la nature normale. On remarque énormément l'influence de Mario Bros. Dans le design des niveaux. Là. Puis aussi, la brique, tout le kit. Ah ouais, c'est pareil. Très, très inspiré Mario Bros. Puis même le menu en bas là, que tu as dans le jeu en tout temps là, est très semblable à celui de Mario 3. Mais ouais, un petit peu moins complet. Mais c'est la même affaire. Tu sais, ton temps, ton score, tes patentes. Oui. Tout est là. Puis c'est vraiment comme une forme, un rectangle à coin arrondi. Ouais. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est malade. T'sais. Mais il y a des niveaux qui sont le fun parce qu'ils sont dans l'eau. Puis okay. là, c'est pas ton les sac. Les niveaux dans l'eau, le fun? Ouais. Wow! Ben, j'ai parlé un peu là. En fait, c'est pas tant le fun, mais ce qui est le fun, c'est ton moyen de transport, tu sais. OK. Parce que là, t'as d'autres moyens de transport quand t'es dans l'eau. Ouais, ouais. Tu deviens un sous-marin. Là aussi, t'as tes tableaux sur l'eau, où est-ce que t'es à d'autres dauphins. Oh! Tu sais, ton sac, il y en a beaucoup des options de sac, là, finalement. Ouais, ouais. À travers tous ces mondes-là, ces niveaux-là, chaque niveau est différent. Même à la fin, il y en a un qui est dans ton sac est une soucoupe volante, tu sais. Okay. Mais ça, c'est juste à la fin. Tu sais, ça vient aider à... Comment dire? À défaire le pattern un peu, là, puis ça, à avoir ça, balance, de la nouveauté. Mais, tu sais, overall, ça se ressemble beaucoup un peu tout le temps. Ouais. Puis, c'est très facile, ce jeu-là. Moi, je me suis assis, il était 11h15, j'étais en vacances, tu sais. Fait que je commence mes jeux à 11h15 le soir. Puis minuit, là, j'avais pas mal fini, là, ce jeu-là. Boy. Très facile. Puis j'ai pas rushé. Puis j'ai fini. Il me restait 26 vies, tu sais. J'en ai perdu 5-6. Puis à 5, là-dessus, j'en ai perdu 3 à peu près à même place. Ouais. C'est hyper facile. Puis t'as toutes les faces de Félix que tu ramasses, t'as, à force d'en ramasser, tu pognes des vies, tu sais. Fait que ça finit. Tu peux jamais crever. Mais te souviens-tu quelle année c'était, ce jeu-là? En 92. C'est quand même parce que les jeux qui sont plus au début de la vie de la console, j'ai remarqué que il était plus difficile. Ouais. Puis plus ça avançait, plus il était facile. C'est vrai. On dirait que c'était vraiment pour essayer de d'avoir plus de consommateurs puis moins décourager les consommateurs, qu'il y ait plus de gens qui puissent y jouer. C'est vrai. Parce que ça, c'est vers la fin de la NES, tu sais. Puis les jeux avaient changé d'allure un peu à ce moment-là. Puis ils valent plus cher. D'ailleurs, ce Félix-là, il vaut 35$. Là. C'est pas rien. Là. Mais c'est rare quand même. C'est un jeu qui est rare. C'est un jeu qui est rare. C'est un jeu qui est bon. C'était encore une fois dans la liste du Angry Video Game Nerd de Motherfucker Mike dont je parlais tantôt. Donc en voilà un de plus que j'ai. Je suis très content. Puis c'est ça. Mais je l'ai pas payé 35$, moi, par exemple. Là. Parce que moi, je suis papa cassette et je trouve les deals. Mais, tu l'as payé combien? Ben écoute, il faisait partie d'un bundle que j'ai payé 300$, mais à force de revente et tout ça, il m'est revenu peut-être à 8$, je dirais. OK, bon, c'est fait très que, bon. C'est là. Bon. Là. Oui. Donc, c'est ça. Puis bon, pour finir avec le jeu, c'est super le fun. La musique est cool. C'est tout sympathique. C'est happy au max. OK. Puis, le graphisme est super beau. Oui, c'est beau. C'est très beau. Puis les boss sont une crise de joke. Ces boss-là sont faciles, mon gars, là. Puis tu sais, t'arrives, t'es bien équipé là, tout le temps. T'es tout le temps à ton... t'es tout le temps bon, fait que t'es tout le temps à ton plus haut power-up, c'est ça. Donc t'arrives jamais tout nu là, pour les faire au coup de poing. Donc c'est... Puis même quand ça arrive, tu sais, au boss de fin, il te donne des bonus et des bonus pour que tu sois full crinqué pour faire le boss de fin. Boss de fin, man, c'est une farce, là, tu sais. Tout le monde est une farce là-dedans, là. Ouais. C'est trop facile, tu sais. C'est dommage. C'est dommage. Mais écoute. En même temps, c'est un bon jeu. C'est comme. Ah, j'ai eu du fun. C'est comme le jeu Rescue Rangers. Puis Rescue Rangers. Ouais, ben le premier jeu des Flintstones. Ouais, le premier jeu des Flintstones, c'est super facile, mais c'est le fun. Toutes les fois que tu joues, c'est comme c'est le fun. Monster in My Pocket, même affaire. Ouais. C'est le fun. C'est des quickies, tu sais. Ouais. Là, je l'ai fini, je toucherai pas à ça avec un méchant en bout. Ouais. Mais à un moment donné, je vais faire hey, on va sortir ça. J'ai on le goût. Là. J'ai vraiment le goût, puis on va le faire, puis ça se fait. Puis c'est ça. C'est des jeux qui sont le fun à avoir aussi. Ah, ça fait beau cool. Dans une collection. C'est vrai. Non, j'ai eu du plaisir. Si vous le voyez, négociez-le. À la baisse, là, au maximum. Ouais. Si le gars sait de quoi il parle, qu'il le vend cher, là, tu sais. Mm-hmm. Mais ça vaut la peine, là, je dirais. Si vous êtes capable de le dealer pour 15$, si vous êtes collectionneur un peu, ça fait beau dans votre collection. Puis vous allez avoir du plaisir à jouer à ça. Je vais vous parler d'un jeu, ça fait très, très longtemps que je veux vous en parler. Tu m'avouais que tu voulais en parler depuis que le podcast existe, donc ça va bientôt faire un an. Ça fait longtemps parce que le jeu est sorti en juillet 2011. OK. Puis là, on est rendu en juillet 2012. Puis je me disais, ah, ça fait-tu trop longtemps? Non, de la merde, faut vraiment que j'en parle. Parce que c'est grandiose. Ça s'appelle Groove Coaster. Oui. C'est un jeu de Taito sur iOS et ça coûte 3$. On peut jouer sur iPhone, on peut jouer sur iPad. C'est une version. Encore une fois, c'est un jeu que tu payes une fois, tu as les deux versions. Là, on parle du même club qui ont fait Space Invaders Infinity Gene. Exactement. C'est exactement la même équipe que Space Invaders Infinity Gene. Donc, le même look graphique. C'est la même coloré, affaire, là, ben pas tant coloré, mais en tout cas c'est très beau. C'est comme un peu style wireframe là, oui, c'est ça. Sauf que là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est un jeu de rythme. Ouais. C'est un des meilleurs jeux de rythme sur iOS, sinon le meilleur jeu de rythme sur iOS. Ok. On a tout le temps comme un avatar, ce qui est un genre de curseur qui se promène sur une ligne qui s'en va dans tous les sens. Puis, on tape sur l'écran, n'importe où sur l'écran, quand on voit une note. Aussi, des fois, on va devoir tenir notre doigt sur l'écran. On va devoir scratcher sur l'écran. Ah on oui? va devoir glisser notre doigt de gauche à droite. Donc, on a plusieurs types de mouvements à faire. C'est pas juste de taper dans l'écran sur le beat. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Ouais. Au départ, c'est quand même très facile, mais le défi arrive assez rapidement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on donne le choix aux joueurs de jouer en mode facile, normal ou difficile. Toi, tu jouais en normal? Moi, j'ai joué en normal, puis après ça, je suis en train de faire les difficiles présentement. Okay. Puis c'est quand même, c'est pas évident. Il y a eu beaucoup de mises à jour sur le jeu. qui venait finalement à changer un peu le jeu pour le rendre un peu plus facile en mode hard, en mode difficile. Okay. Parce qu'en mode difficile, c'était trop difficile. Fallait que tu sois vraiment là, t'sais, à 100% sur la note, là, vraiment sur la note précisément. Ouais. Puis ça, des fois, je veux dire, c'est ridicule. Là. Ça peut pas arriver à cause qu'on n'a pas de manette dans les mains non plus. Fait que c'est différent. Mais c'est vraiment, vraiment un bon jeu. Il y a une belle variété de tunes. Les tunes, c'est tout le temps un peu style techno, mais du techno fucké. Là. Ah ouais, OK. Des fois, tu sais, t'as des breaks, des fois, t'as justement ben, plus de triolet que du 4-4. Des fois, ça ressemble à du FX Twin parce que c'est vraiment bizarre la façon que c'est construit. Mais t'as aussi les trames sonores de jeux de Taito, dont Space Invaders. Ah, c'est cool ça. Celle-là que je me souviens de même, là, comme ça, c'est Space Invaders DS. Puis c'est écrit sur l'icône quand on clique dessus, genre tel track du jeu Space Invaders DS. Nice. Je trouvais que c'est une belle addition quand même. C'est drôle, tu dis que ça ressemble à FX Twin. T'sais. Là, je me rends compte, il y a comme Skrillex qui existe aujourd'hui. Ouais. On est-tu des vieux battes de ramener FX Twin tout le temps? Ouais, c'est vrai. C'est ça. Vrai, hein? J'étais en train de penser à ça cette semaine quand j'ai vu la pub dans le métro de Skrillex. Puis j'étais allé dans un. Je veux pas couper ton histoire, mais j'étais allé dans un bar en Beauce. Puis la petite serveuse de 18 ans, man, elle était Skrillex au max, man. Puis Skrillex est à Québec. C'est mon Dieu. C'est comme un revival. T'sais. Ah, c'est la saveur du moi, Skrillex. Ah ouais, vraiment. Mais, coudonc, c'était le dubstep, mais bref, FX Twin, dans le temps, c'était le quand t'écoutais du techno, t'écoutais du drum and bass, du trippy, c'était tout le temps FX Twin, c'était tout le temps le weirdo de la gang. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'aimais ça, j'aimais vraiment ça, j'adorais ces vidéos. Donc, fin de la parenthèse sur la musique. Les chansons, c'est ça, ils peuvent être difficiles à comprendre comme ça, à cause que des fois, la toune est weird, elle est juste weird. Ouais, puis, tu sais, comme une toune à Rock Band, être sur le beat, c'est facile parce que t'as un beat de drum en arrière, tout ça. Mais il y a une toune que je vais mimer, puis c'est exactement ça la toune. C'est comme c'est exactement ça comme côté vocal. C'est weird, là. Puis là, t'as pas vraiment d'indice. Fait qu'il faut que tu fasses ce que tu vois visuellement. Puis tu finis par en avoir un indice. Mais on te donne des chances quand t'es à easy. Mais quand t'es à normal, c'est « Ah, too bad, mon gars, faut que tu sois sur le beat, faut que tu sois au bon moment. Ouais. » Mais ça se fait quand même bien. J'ai jamais été frustré dans le jeu. Okay. J'ai souvent refait les tunes. Puis c'est le fun aussi parce qu'on te donne, on te donne le choix d'y aller en ad-lib dans le jeu. C'est-à-dire que si t'es à normal, mais que toi, t'entends des beats des fois, si tu pèses à l'écran puis tu l'as au bon moment puis qu'il n'y avait pas d'indicatif à l'écran, t'as des points bonus pour ça c'est vraiment cool. Puis t'as un avatar tout le long qui suit la ligne. Cet avatar là tu peux le changer pour qu'il y ait des pouvoirs. Il y en a un, il double le score. Il y en a un, il te montre ce que tu dois faire avant d'arriver sur la note. Il y en a un qui te montre où sont tes points de adlib pour pas que t'aies à les chercher. Super intéressant. Puis le style visuel aussi, ça peut mélanger certains joueurs parce que Space Invaders Infinity Gene, visuellement, des fois, ça peut devenir dérangeant. À un moment donné, on voit plus rien là, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'écran. Ça peut arriver là-dedans. Quand on joue sur un iPhone ou un iPod Touch, c'est beaucoup plus difficile que quand on joue sur un iPad. Sur un iPad, tu as de la place, tu vois tout arriver, tu es bien, puis ça fonctionne à merveille. Si vous jouez à ça, jouez avec le volume dans le tapis parce que c'est le beat qui est le plus important, comme tous les jeux de rythme. Ouais. Celui-là, ça l'est davantage parce que les tunes, des fois, c'est difficile. Puis, il y en a beaucoup des tunes. Ça va prendre un bon bout de temps avant de terminer le jeu. Donc, c'est tellement, je veux juste mentionner, c'est tellement un bel hommage aux arcades en wireframe, en vecteur, Battle Zone, puis tous ces vieux jeux-là. Ouais. Là, Puis juste quand tu finis le tableau, il te montre ton score. Puis là, il y a comme des petites affaires. Ton score clignote, là, tu sais, mais ouais. hyper rapidement. Ouais. Ça, ça fait vieille arcade aussi. Tu sais, tu vois que ces gars-là, ils sont là, Taito, ils gardent comme un... Ils veulent garder un petit look. Ah, ils gardent cette espèce de nostalgie nostalgique, là, mais qui est le tweak contemporain, tu sais, puis ça fait beau, puis c'est hot, puis ça rend hommage. Tu sais, moi, ça me fait triper au max de voir ça. Là. Non, c'était écœurant. D'ailleurs, Taito, c'est une des seules... Je checkais ça l'autre fois. C'est une des seules compagnies qui faisait des jeux quand on était petit puis qui en fait maintenant, qui n'ont pas changé leur logo. C'est ils n'ont jamais changé le logo. C'est resté exactement le la même affaire. Le petit triangle là, avec la coche dedans et la petite boule. Là. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'à un moment donné, c'était la toune de Space Invaders. Puis, tu as un trajet, une ligne, puis tu te promènes dans un univers totalement 3D. Puis à la fin, il te montre c'était quoi tout ton trajet avec la ligne. Okay. Fait qu'il recule la caméra, puis tu vois toute la ligne que tu as faite. Mais dans le tableau de Space Invaders, la ligne se recule, puis c'est un des aliens de Space Invaders. Nice, nice. J'ai comme, OK, c'est vraiment cool. Là. C'est clair. Fait que non, c'est si vous avez un iPhone, un iPod Touch ou un iPad, faut absolument acheter ça. Puis la gang de Space Invaders Infinity Gene, eux autres sont sur une run. Là. Ouais. Ils ont un style graphique, puis ils ont comme une certaine influence. Puis là, ils voulaient faire un jeu de rythme, ils l'ont fait. Prochain jeu, ça va être autre chose. Moi, j'ai l'impression que ça va être un platformer. Ouais. Mais c'est un peu les... je pourrais les comparer à un autre développeur, cette équipe-là. C'est un peu comme Pixel Junk. Ouais. Pixel Junk, ils ont tout le temps une facture. Ils ont quelque chose qui fait que tu reconnais tout le temps un jeu. Ouais. Parce que ça vient de Pixel Junk. Ils commencent à s'évader un peu, ce qui est dommage. Mais cette équipe-là veut faire sensiblement la même chose. Ils sont comme... On a un style graphique. Puis on va le garder. Je les trouve plus tight, moi, en tout cas. Fait qu'eux autres, ils continuent. Ouais, mais ils ont deux jeux, puis que Pixel Junk en ont sept. Fait ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu peux. Mais ils se sont égarés. En tout cas, ils ont ils se sont égarés. Ben surtout Monster, là, qui est comme un peu. J'aime pas le look de Pixel Junk. Man, Monster. Je l'adore, Monster. Ah ouais, je trouve ça comme floppy, moi, comme bonhomme, tu sais. Ah ouais. Tandis que Shooter, tu sais. Ouais, mais Shooter, c'est récent, là. Shooter, side scroller, c'est tous des jeux très récents. C'est les. Mais moi en Wire, tu sais, il y en avait un shooter. Je sais pas si c'est shooter c'est ou c'est side scroller qui est. Side scroller qui est en Wire, full lumineux. Ouais. Tu sais, ça c'est hot là, tu sais. Mais en tout cas, ça c'est mes coups. Mais non, l'autre, je trouvais que ça avait l'air d'un jeu flash là. Ouais, cheap, ouais. Je sais pas, j'ai pas aimé ça. Puis leur logo à Pixel Junk là, c'est lettre en tabarnak. Genre une petite couronne là, avec plein de gogos dedans, puis comme il y a tellement d'affaires qui est comme viré au noir là, tu sais. Ah, c'est pas chic là. Qu'est-ce que vous attendez, vous changez ça, tu sais. Moi je trouve ça fait cheap. Le monde l'aime. Mais moi je l'aime pas, en tout cas le monde n'a pas de goût déjà. Maudit, fait qu'il faudra jamais que je porte mon chandail de Pixel Junk ben dans ta compagnie. Non, ben c'est pas tu le portes pour le cred de la compagnie là, tu sais, pas tant pour la beauté du logo, à moins que ce soit pour ça. Je l'aime bien moi le logo. Ben moi je l'aime pas. Bon, j'ai tellement aimé ça jouer à l'Atari l'autre fois que je vais repartir avec un jeu d'Atari encore dans une batch que j'ai eue dernièrement. Et puis, ça s'appelle Cosmic Creeps. Malade, ça, ce nom-là. C'était écœurant comme nom. Puis l'illustration l'est tout autant. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu cheesy, tu sais, mais ça fait un job pareil. Là. C'est très comique. Puis, c'est sorti en 1982 pour l'Atari 2600. C'est un jeu de Telesys. T-E-L-E. Okay. T-E-L-E-S-Y-S. Puis j'ai regardé, puis ces gens-là, ils ont juste fait 6 jeux, dont Coconuts, Cosmic Creeps, Demolition Herbie, Fast Food, Ram It, et puis Star Gunner, qui serait le plus rare là-dedans. Star Gunner. Moi, je connais pas vraiment ça, je sais pas. Le nom, en tout cas. Bah, c'est un nom flashy, là, qui devait fitter bien des affaires dans ce temps-là. Puis dans ma batch, il y avait plein de jeux d'Atari, fait que j'ai vu ça, je l'ai essayé. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pogné un bon jeu d'Atari, puis ça, c'en est un bon. Pour vrai? Ouais, je vais t'expliquer. Mais en tout cas, quand graphiquement, je suis en train de le regarder, puis c'est très complexe pour un jeu d'Atari. C'est très complexe. Il y a deux niveaux, il y a deux choses à faire. Ben là, premièrement, dans ton écran, t'as une planète en bas. Je vais regarder ton planète. iPhone, moi, avec, ça va m'aider à l'expliquer. Oui. T'as une planète en bas, puis en haut, t'as un vaisseau spatial qui est ton vaisseau spatial. Oui. Donc, la première chose à faire, c'est de réussir, puis t'as de la shit qui descend tout le long. Ça, ils disent que c'est de la lave. Puis t'as des ennemis de gauche à droite qui arrivent aussi. Ça, c'est pour le premier niveau. Là, tu le vois pas, on est dans le deuxième. Donc, il faut que ton bonhomme il parte d'en bas puis qu'il monte jusque dans le vaisseau en haut en évitant toute cette shit-là. Okay. Ce qui est jamais très compliqué. Puis, si tu meurs, c'est pas grave. Tu peux recommencer autant de fois que tu veux du moment que la planète en bas, elle rapetisse. Tu vois qu'elle rapetisse un peu la planète en bas. C'est comme si on s'en éloignait. Ça, c'est dans le fond, c'est ton temps, ça. Quand la planète est disparue de l'écran, c'est que t'es rendu trop loin de la planète, puis on peut plus procéder. Donc là, c'est ça. Tu montes ton dos dans le vaisseau, puis après ça, il y a des Cosmic Kids qui arrivent, poursuivis par des Orbi... Comment ça s'appelle? Attends un peu, je vais dire. Des Orbitot. Orbinot. Des Orbinot. C'est comme des petits extraterrestres. Fait que là, t'as des enfants qui arrivent, qui courent de gauche à droite de l'écran, tu sais... Tu sais, comme ils, de gauche à droite, ils montent d'une coche, de droite à gauche, ils montent d'une coche, tu sais, ils font des S comme ça jusqu'à ce qu'ils arrivent en haut. Et ils sont poursuivis par des bébites, tu sais. Puis toi, tu es dans le vaisseau spatial en haut parce que tu as réussi à rendre ton dos de là, puis tu droppes des bombes, tu sais, ou des. En tout cas, un paquet de pixels qui a l'air d'une petite explosion sur les bébites en évitant les kids, pour que les kids, ils se rendent jusqu'en haut. Oui. Le but, c'est de réussir à faire monter le plus de kids possible. OK. Puis. Est-ce que tu contrôles les kids? Non, les kids, ils partent tout seuls. Tout ce que tu contrôles, dans le fond, c'est un shooter, finalement. Ça devient un shooter. Ouais. Tu droppes des bombes, tu sais, sur les extraterrestres en bas qui courent après tes kids. Mais il faut que tu les droppes, tu sais, aux bonnes places pour, pour les faire sauter, finalement. Ouais. Puis, un coup que tu en as un qui est rendu en haut, tu pèses. Tu fais en haut sur ta manette d'Atari, puis là, t'en fais partir un autre. Okay. Puis, c'est ça. Donc, une fois rendu en haut, ça te donne des points. Ouais. Chaque bébite que tu tues donne des points aussi. Puis, pour réussir à passer au travers de ce segment de jeu-là, il faut que tu fasses minimum 5000 points. Okay. Puis, t'as du temps. C'est encore une fois la petite planète en bas qui finit par disparaître. C'est ça ton temps. Donc, t'as la disparition de la planète comme temps pour faire ton 5000. Puis si tu réussis, ben là, ça recommence. Faut que tu remontes un autre extraterrestre jusqu'en haut en évitant toute la crap. T'as réussi, bravo. Et après ça, repart la course avec les enfants puis les extraterrestres. C'est assez... Puis aussi, à chaque fois que tu recommences, tu te rends de plus en plus loin, tout le monde va de plus en plus vite. OK. Fait que c'est assez touché. Puis, veux pas, il y a quand même du stock là-dedans, tu sais. Puis c'est assez complet là, pour un jeu d'Atari. C'est pas genre le jeu légendaire parce que ça a été fait par une compagnie par rapport, tu sais. Ouais. Mais fuck, man, c'est vraiment plaisant, là. C'est le fun. Puis j'ai joué genre 5-6 games en fil, là, tu sais. Puis le lendemain, j'ai réessayé avant ce soir, puis j'avais du fun. C'est un jeu qui vaut la peine. Ah, c'est cool. Il y a deux niveaux, puis il y a de la petite musique, les sons d'effets sont beaux, le graphisme est beau, tu sais, la Terre, ben, il est beau. C'est un fond noir avec des gogosses, là. Oh, oui. Mais le vaisseau spatial, il est correct. Ouais. Les petits extraterrestres, ils ont de l'air de petits extraterrestres. Les Cosmic Kids, c'est des kids. Vraiment, j'ai été très surpris de ce jeu-là. Cool. Puis, si vous le voyez, achetez-le. Ça coûte environ 10$. C'est pas un jeu commun. Mais c'est pas un jeu ultra rare non plus. Mais tu sais, les jeux d'Atari, là, ça se vend 1$, 2$ pour la moyenne. Là, mais celui-là, 10$ dans sa valeur. Donc, c'est quand même bien. Quand même. Alors, pour avoir du plaisir, Cosmic Creeps, ça peut valoir la peine. La discussion. Bon, fait que pendant que tu déménageais et que tu mangeais de la pizza, moi, je suis allé à l'événement Nintendo pour essayer la Wii U. Oui. Puis je mangeais des petites tranches de pain avec du petit jambon et des petits fromages. C'était bon, un bébé. C'était beau. C'était sur Sherbrooke, dans une galerie d'art. Oui. Tout était très blanc, immaculé. Là. C'était vraiment... Moi, ça fait 3 affaires de Nintendo que j'allais, là, puis c'était vraiment mon spot préféré à venir jusqu'à date. Okay. Donc, il y avait des Wii U partout. Et il y avait aussi des 3DS, puis donc à Castlevania. Fait que moi, j'ai commencé par ça. Il y a des Wii U, mais moi, tout de suite, je vais essayer Castlevania. Puis j'ai bien aimé ça. Cool. Très cool. Là. J'ai joué Trevor, j'ai fait des petits bouts. C'était super bien fait. Okay. C'était comique un peu à des places, assez dark. Malheureusement, je pouvais pas entendre la musique. Là, parce que j'aurais vraiment aimé ça l'entendre. Mais j'étais satisfait. Donc, je ne vais pas en parler plus longtemps. Je parle assez de Castlevania comme ça dans ma vie. J'en reparlerai quand je vais jouer, quand ça va sortir cet automne, d'ailleurs. Exact. Mais j'ai essayé plein de choses, là. Puis, on va commencer avec peut-être Nintendo Land, vite fait. Ce qui, je crois, va être le Wii Sport de la Wii U. Ouais, ben c'est le même qu'ils vendent avec. Comme c'est là. Puis j'ai joué à un truc de Donkey Kong, là, un genre de petit buggy, le kart là, qui descend jusqu'en bas. Ouais. C'était sympathique. C'était bien correct. Mais après ça, la fille, elle voulait que je joue à un autre, à Luigi's Mansion, je crois, ouais. Là-dedans. Avec, elle voulait qu'on joue à 6, là, je sais pas trop. Ouais. Qu'on joue une méchante gang de monde. Puis là, elle essayait de regrouper des autres gars de Nintendo qui étaient là, tu sais, pour assister les gens. Ouais. Puis là, il y en a une couple qui sont venus, mais il y en avait un, tu sais, qui jouait à une autre affaire de Wii Fit à côté, puis qui voulait, comme, battre son score, là, tu sais. Puis là, il venait pas. Fait que là, ça faisait, comme... 5 minutes là, qu'on attendait après lui, là, je trouvais vraiment ça ridicule. Là. J'ai comme, tiens, non, laisse faire. Là. J'ai pas envie de jouer. J'ai comme donné sa manette. Là. J'ai crissé mon camp. Moi, ce que j'ai trouvé plate, là, j'écoute, c'est ça qui arrive. Là, c'est que le monde de Nintendo qui sont là, ils jouent. T'sais, je voulais jouer à un project. Ben, je vais en reparler tantôt. Un jeu, ouais. Les gars étaient assis, les deux, puis ils jouaient. Là, moi, j'attendais. T'sais. Je pensais que c'était des gars qui jouaient, là, des invités. Mais non, c'était les gars de Nintendo qui jouaient, tu sais, qui essayaient de battre leur record. Je suis comme, hey, Chris, là, c'est moi qui viens essayer les jeux. Tassez-vous, occupez-vous de moi, faites de quoi. Tu sais, je les ai trouvés vraiment ouais, ça, slacker, cool, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment très poche. Il y en avait qui étaient très cool, mais il y en avait qui sont vraiment de la merde. Puis il serait mieux de checker ça parce que j'ai eu des très mauvaises expériences. Si, bol. C'était vraiment pourri. Mais sinon, là, si tu sais, avant de rentrer dans le vif du sujet, les jeux, tout ça, la manette, tout le monde se pose des questions. La sur manette, moi, c'est son poids qui m'inquiétait. Puis elle est pas lourde. Elle est pas lourde. Pour un jeu Nintendo Land que j'ai essayé, que c'est un jeu de ninja, que tu lances des shurikens, comme on a tout vu dans le démo, que tu tiens la manette de côté puis que tu glisses ta main sur l'écran, ça devenait lourd à une main comme ça là, à tenir, je trouve. Mais pour le reste, non, je trouvais ça bien. Les pads sont aux bons endroits. T'sais, elle n'est pas trop grosse non plus. Elle était un peu plus petite que je pensais qu'elle serait. Puis l'écran dessus est très grand. Non, ça m'a très satisfait. C'est un bel objet. Là. Okay. Ça faisait la job. C'est ça, ça t'a pas dérangé, t'as pas eu l'impression de jouer avec un gadget, t'as l'impression d'avoir une manette dans les mains? Ou... Ben, j'ai pas joué à des jeux qui faisaient manette, t'sais. Okay. C'est ça qui arrive, là. J'ai pas essayé cette chose-là comme une manette. Donc c'est ça, Rayman n'était pas à l'événement. Rayman était là, okay. Mais la façon qu'on pouvait jouer Rayman à l'événement, c'est que quelqu'un avait une Wiimote, puis il jouait Rayman en platformer, puis l'autre avait le pad dans ses mains, et il contrôlait la petite bébite, là que j'ai oublié le nom, qui pèse sur les boutons au bon place, ou qui coupe une affaire en gossant tactile sur l'écran. Okay. Ça, c'était vraiment cool. Pareil comme dans le E3, c'était le même démo avec la séquence de rythme à la fin, puis c'était vraiment le fun. Mais j'ai voulu jouer à un, puis j'ai pas réussi. Okay. Donc, en tout cas, je sais pas trop si c'est possible, mais j'ai joué... Ah, mais non, c'est vrai, c'est faux. J'ai joué à New Super Mario Bros. You! Hey! Un beau nom. Tout seul. Puis avec le gros le gros pad. Puis ça faisait la job. Okay. C'était parfait. Mais il y avait rien d'autre. C'est ça que je trouvais plate. Je pouvais jouer en regardant l'écran ou en l'écran en face de moi ou l'écran sur la manette. OK. Puis c'était la même affaire. Fait que tu regardes en avant ou en bas, c'est ça. T'avais pas l'impression qu'il y avait de quoi de différent graphiquement sur la manette? C'était exactement la même affaire, mais en plus petit, là. D'ailleurs, côté graphiste, comment t'as trouvé ça? Est-ce que t'as vu... Ah, ben écoute, de tous les jeux que j'ai essayé de voir du HD comme ça de Nintendo, là, ça le fait, là, surtout pour un jeu que je vais reparler tantôt. Mais pour ce Super Mario Bros. U, t'sais, j'ai trouvé ça vraiment juste plate que ça fasse rien. Mais c'est quand tu joues à plusieurs, encore une fois, avec les autres qui ont des Wiimote, que là, celui qui a le gamepad, ça, c'est la grosse manette, c'est lui qui peut faire bouger des choses dans l'écran tactile. Okay. Ce qui fait que la plupart des jeux se jouaient comme ça, puis c'est... Ça me faisait toute l'impression de des jeux de party et de gang, tu sais. Mais moi, je suis l'honneur, là, chez nous. Ma blonde, elle joue pas à des jeux, tu sais. Fait que je suis un petit peu inquiet à ce niveau-là, tu sais. Les jeux, c'est-tu juste des jeux qui sont super cool quand tu joues à plusieurs? Tu sais, ça vaut-tu la peine, dans le fond? Parce que quand tu joues tout seul... Faut pas que t'oublies que le concept initial de Wii, puis pourquoi ça s'appelle Wii, c'est pour rassembler les gens pour qu'ils jouent ensemble. Mm-hmm. Fait que c'est une des plus grandes missions de Nintendo, c'est c'est que les gens jouent ensemble dans la même pièce. Ben là, je te dirais qu'on joue plus ça, ensemble parce que l'équipe fait des choses différentes, justement. Ouais. Il y en a un qui intervient sur le gamepad, l'autre, il joue avec une Wiimote, tu sais. Ça, c'est cool, quand même. Mais juste les deux, mettons comme une Wii normale, jouer ouais. ensemble, puis comme les deux un à côté de l'autre, on se brasse les mains ensemble, tu sais, ça, c'était moins hot. Mais pour ça, jouer ensemble, le jouage de party va vraiment prendre une coche avec la Wii U. Mm-hmm. Ça, c'est hot. Mais jouer tout seul, pas, ouais, pas rien de nouveau là tu sais. Mais puis j'ai essayé Pikmin 3. Okay. C'était sympathique. J'avais jamais joué à Pikmin de ma vie. Étrangement, le gamepad là-dedans ne servait à rien. L'écran sur le gamepad, à part checker ta map. Ah ouais. Même pire que ça, fallait que tu joues avec une Wiimote. Normal, là, comme une Wii. Puis t'avais ton gamepad sur toi qui servait à rien. C'était vraiment bizarre, à part checker la map, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça un peu con, là. Tu fais une nouvelle console, man. Fais-moi jouer avec la gamepad en premier, puis le Wiimote sera un autre gars qui veut faire de quoi, je sais pas. En tout cas, oh ouais, mais c'est là, c'est de cette façon-là que j'avais de jouer à ça, okay. tu sais. J'ai trouvé ça correct, mais j'ai pas joué bien longtemps, mais j'ai trouvé ça très joli, tu sais, oh, oui. sympathique, mais c'est pas mon genre de jeu, je crois. Wii Fit U, je voyais du monde qui trippait à jouer à ça, puis tout. Là, à un moment donné, je voyais du monde assis sur la Wii Fit par terre, tu sais, ouais. qui se balançait de tous les bords, là, j'avais comme pas envie de faire okay, ça. Bye. Là, bye, on va jouer à d'autres choses, fait que désolé, j'ai pas joué à ça partout. Mais j'ai vu Tilex, Tilex, puis il avait l'air de bien tripper. Puis Ange Noir aussi de Factor Geek, parce que j'ai peut-être oublié le nom de son nom d'artiste, là, mais était là. D'ailleurs, elle m'a acheté un jeu, merci okay. beaucoup. Puis tout le monde trippait, là. Le monde de Nintendo trippait, alors coudon, ça a des petits jeux le fun, là, tu sais. Oui. Puis Zombie U, que Damien a trippé au max là, dans sa chronique. Lui, il a essayé live là-bas au E3. Je pense que je suis pas le public cible, moi, dans ce jeu. Ouais. Mais pas du tout, là. Parce que je faisais rien, tu sais. J'étais comme dans le noir, puis à un moment donné, un zombie, tu sais. Puis sur ta manette, c'est cool, parce que sur ton gamepad, parce que tu ouvres ton pack-sac, tu gosses dans tes choses. Mais je me suis pas rendu au bout où est-ce qu'à l'écran, tu sais, ton bonhomme, il fait de quoi, puis toi, sur ton gamepad, il faut que tu pitonnes un con, mettons, pour rentrer dans l'ascenseur, tu sais. Je me suis pas rendu loin parce que je suis nul à ces jeux-là, je crois. Puis pour moi, ce jeu-là m'a laissé totalement là, frette. Là. Je trouvais qu'il n'y avait rien là-dedans. Là. Okay. Mais tout le monde a tellement trippé. Ah, c'est ça, t'es vraiment le premier là-bas. Au monde, d'après moi. Ben ouais, c'est ça. Puis Dark Sim était là, tu sais, puis il a trippé. Puis tout le monde trippait. Je suis comme, wow, tu sais, je suis vraiment pas, mais vraiment pas ce public-là. Ah, oui. Donc, écoutez-moi pas. Écoutez toutes les autres, parce que je pense que c'est moi qui est dans le champ, là, tu sais. Fait que, attends un peu, je repasse mes feuilles. Hey, Project P100, là. Ouais. Ça, c'était le jeu que tu snobais, là, dans le fond. Que... Ben, je snobais. C'est juste que je le regardais. Tu snobais. Pis... Ben non, mais je le regardais, puis j'étais comme, c'est pas vraiment mon genre. Ben, c'était vraiment un cool jeu, man. Moi, j'ai adoré ça. C'est comme... Hey, puis c'est fait par Platinum Games. Ouais, c'est que fait par les mêmes de Beautiful Joe. Puis oui. C'est la même équipe qui a fait Beautiful Joe. Ben, ça paraît parce que les animations, là, puis des trucs, c'est très Beautiful Joe-esque, là. Puis Platinum Games, ils ont fait Vanquish. Ouais. Puis ils travaillent présentement sur le Metal Gear Rising. Ouais. Uprising? Revengeance. Uprising, Revengeance. Non, Rising. Rising, Revengeance. Uprising, c'est Kid Icarus. Ouais. Ils travaillent là-dessus. En tout cas, ils sont très bons dans les jeux d'action. Ouais. Puis ça, c'était vraiment cool. Tu te promènes, t'es comme un petit paquet de monde là, qui gagne ensemble. Mm-hmm. Puis t'as des gros boss là, qui apparaissent. Puis dans le fond, t'as des sur ton gamepad, t'as des moves à faire avec ton doigt. Comme tu veux devenir une épée, tu bouges, tu fais le dessin de l'épée sur ton gamepad finalement. Fait que là, tout ton groupe, il gagne en épée, puis tu swings l'épée. Okay. Tu as des blocs, des counters. C'était vraiment, vraiment très intéressant. C'est un jeu de stratégie, un jeu d'action? C'est un jeu d'action, mais c'est purement un jeu d'action, là, de bâchage de gros boss. Là, OK, t'sais. Moi, ça me donnait l'impression que c'était vraiment de la stratégie, turn-based même. Là. Non, c'est ça, c'est pas ça. Okay. Moi, avec, j'avais comme l'impression qu'il y avait beaucoup de ça, mais dans le démo, il n'y en avait pas. C'était juste gros boss, gros bang, bang, bang tout le temps. Là, t'sais. Puis les boss sont gros, tu jumps, tu sais. Non, c'était de l'attaque, là, pure et dure. J'ai rencontré Nicolas Verge, je crois, de l'erreur 404. Ouais. Il était là. Puis lui, il s'est rendu à la... Ça m'a fait d'ailleurs bonjour. J'étais très content de te rencontrer. Excellent podcast. Puis lui, il s'est rendu à la fin du démo. où est-ce que là, le jeu, il prend une twist et qu'il joue différemment. Mais moi, j'ai pas réussi à me rendre. Ah, oh, ouais, OK. Puis d'ailleurs, vu qu'il y avait un dos de Nintendo à côté de moi, tu sais, je sais pas, j'haï tellement ça, jouer avec un dos à côté de ouais. moi, là, dans ces affaires-là, là, j'ai l'impression de... Ah, tu sais, le gars, il me regarde. Lui, il a joué toute la journée, là, ouais, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Là, il me voit tomber dans le trou, puis il va me rater ma shot, genre, il trouve ça lourd. En tout cas. Mais non, ce jeu-là, puis il était tellement beau, ce jeu-là, là, ouais. moi, là, ça, c'est à surveiller. Cool. Vraiment. Puis d'ailleurs, c'est même pas le vrai titre du jeu, là. À ce que non, je dis sur la feuille, c'est un titre c'est un provisoire. Working title. Mais moi, je le laisserais. Il me semble que ça flash. Batman était là. Ouais. Je ne l'ai pas essayé parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un. Puis c'était long avant que la personne finisse sa game. Ouais. Puis de ce que je voyais à l'écran, le monde, il gossait beaucoup pour, genre, dans le gamepad, gosser dans tes items, mm-hmm. puis tout ça. Donc, tu sais, ça... j'avais pas le goût d'attendre pour ouais, jouer à ouais. ça. Fait que je l'ai passé, là, simplement. Bon. Fait que sinon, dans les feuilles, ah ben, pour revenir à la 3DS, Luigi's Mansion, j'ai ouais. essayé un peu. Puis... Moi, j'avais jamais joué à Luigi's Mansion okay. À la GameCube. J'ai trouvé ça très sympathique. Ça me ouais. tente. Tu sais, je vais me l'acheter là, quand ça va sortir. Cool. Je vais avoir bien du plaisir à jouer à ça. Il y avait New Super Mario Bros. 2, celui avec plein de scènes qui mm-hmm. a la 3DS aussi. Ouais. J'ai joué... Hey, pas longtemps. Là. J'ai joué genre ouais. 3 minutes. T'sais. Same shit, là, vraiment la même affaire. Ouais, ouais. Il y a peut-être quelque chose quelque part qui est différent à un moment donné en jouant. Là, mais moi, il n'y a aucune différence avec le premier là, à part qu'il y a des scènes. Mm-hmm. Je comprends pas comment est-ce qu'il hype ce jeu-là puis qu'il hype Mario Bros. U. T'sais. C'est les mêmes. C'est ça que je trouve dangereux. Jeu, c'est ça. C'est la même les affaire. Les deux là, en même temps, temps là, j'ai trouvé ça un peu bizarre comme move, mais bon, regarde. Ben, c'est ça sûr. Va se vendre au coton. Oui, là. Ça va se vendre. Parce ben que oui. c'est, fun, c'est des jeux qui sont le fun. C'est 20-20 fun. C'est le fun, mais c'est rien de nouveau. Je suis plus excité à Luigi's Mansion qu'à New Super Mario. Ouais, moi avec, ben, parce que ça fait longtemps, mais c'est ouais. ça. Mais c'est ça. Donc, overall, j'ai eu bien du plaisir là, vu bien du beau monde, beaucoup de gens de la communauté. J'ai aimé la Wii U, mais. J'arrive pas à être... Je suis pas excité, là, présentement. Ouais, c'est ça. Il m'en aurait fallu plus, tu sais. Ouais. J'aurais voulu voir l'interface, tu sais. C'est fait mm-hmm. comment, tu sais, l'interface. Ouais, fait que il y a pas eu moyen de voir la Plaza puis ces non, affaires-là. Non, rien de là. Tout ça. C'est juste, des machines avec des jeux qui roulent dessus. Fait que j'ai rien pu voir d'autre. La Virtual Console, les Mi, comment ça marche mm-hmm. là-dedans. Tu sais, il y avait rien de ça. Là. Puis même la console elle-même était comme emballée dans une espèce de protecteur scellé, là. Puis ça la rendait bien épaisse. Puis tout, fait que okay. je voyais pas trop non plus. J'ai pas réussi on à voyait voir pas vraiment, vraiment la sa console. Shape, tu sais, puis elle est grosse comment, parce qu'elle était plus grosse qu'elle l'est en réalité à cause de la protection. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, ça m'a pas dit grand chose. On dirait qu'on n'arrive pas à savoir c'est quoi finalement ce mot de machin là. En tout cas. Mais moi, j'étais un peu déçu dernièrement. Ils ont annoncé une nouvelle que je trouvais un peu plate, c'est que. Ils veulent vraiment axer la machine sur les réseaux sociaux, tu sais, vraiment ouais. pousser ça. Mais c'est les réseaux sociaux de Nintendo. Ah ouais? Et Facebook et Twitter ne seront pas, ne seront pas encore connectables. Une gaffe on de peut Nintendo, pas hein. connecter Facebook, Twitter à la Plaza, dans le fond de l'endroit où tu fais tes échanges. Ça va juste devenir un petit ghetto de. Ouais, de c'est voir. Encore comme les Friends, c'est encore des Friends Code. Puis Reggie a dit les ça Friends Code, pas... ça reste. Mais c'est simplifié. Ouais. Vous n'allez pas vous fâcher autant qu'avant. C'est comme « Ah! Ah! Ah! Ouais. Arrêtez! Pourquoi tout le temps comme tirer la plug? » Puis c'est ça que je trouve plate. J'ai l'impression ben, que... C'est correct, ça, qu'il soit simplifié. Non, je comprends pas qu'est-ce qui te fâche. Enlever les Friends Code complètement. Ah, okay. Donner l'accès ouais, ouais. à 100% à quiconque veut devenir mon ami. Il n'y a pas besoin de rien. Pas besoin d'échanger un code. Non. Il y a juste à te trouver. Il y a juste besoin de trouver mon nom, de trouver mon nom d'utilisateur, m'envoyer une demande. Moi, je le vois. Je décide si je veux que ce soit mon ami ou non. Puis that's it, that's absolument, all. Absolument. Ça devrait pas être plus compliqué que c'est, ça. C'est vrai que c'est chiant. C'est parce que le monde qui nous envoie leur code 3DS là, sur Facebook, oh. tout, là, c'est comme ah oui, attends, excuse, faut que je te fasse un reply, mettre ouais. le mien, mais je m'en souviens pas. Attends, excuse, je vais ouvrir ma 3DS. Exact. Parce que, oh. C'est compliqué pour rien. Tu sais, c'est plate. Puis là, cette affaire-là de Facebook et Twitter, j'étais comme voyons donc, c'est là qui sont les réseaux sociaux. Ben oui. Tu sais, si tu veux, si tu, ça mettons, je sais pas, moi, justement, tu joues à Zombie U. Puis t'as fait un score de malade, puis ton trip, c'est de le montrer à tout le monde. Ben, ça va se montrer à tout le monde, mais dans le Mi Plaza. Exact, qui ont le même jeu que toi, tu sais. C'est... Puis toi, tu veux faire ton frais sur Facebook à tout le monde, là, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis il me semble, étant Nintendo, tu te dis, voyons donc, c'est parce que en mettant ça sur Facebook et Twitter, c'est de la pub gratos. Ben oui. Tu sais, moi, ça m'est arrivé même avec la 360 puis avec la PlayStation, d'avoir le goût d'acheter des jeux à cause que j'avais des amis qui gagnaient des trophées ou qui venaient d'acheter un jeu. T'sais. Absolument. Fait que... Ils sont vraiment de la marde de pas c'est aller comme là-dedans. Pourquoi prendre ces décisions-là, tu sais? Fait que moi, je trouve ça plate. C'est sûr que je vais l'acheter, la Wii U, parce que j'achète toutes les consoles, mais celle-là, ce qui est plate, c'est que moi, c'est plus au niveau des jeux. Comme la console, elle m'impressionne, elle m'intéresse, j'ai hâte, tu sais. Puis la manette, je la trouve cool, puis j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Mais cet événement-là, je l'ai manqué, ça me dérangeait pas tant que ça. Ah, oh, ben, t'aurais aimé ça, que, là, quand même. Non, je suis sûr que j'aurais aimé ça, mais ça me dérangeait pas tant que ça à cause que les jeux m'excitent pas vraiment. Ben, c'est ça. T'sais, moi, je me retrouvais à virer en rond un moment donné. Je me dis, il y a juste Zombie U qui m'intéresse. Je joue à quoi, là? Qu'est-ce que je fais, là? Bon, je vais essayer Pikmin après ça. Ouais. Wii Fit, non. Ça me tente pas de me rouler à terre. Puis là, tu sais, Mario Bros, même affaire. Nintendo Land, même affaire. Ah, c'est ça. C'est... Les mini-jeux. Les jeux là, t'es pas excitant, tu sais. Puis moi, je me faisais péter à gueule à Zombie U. Fait que c'est pas bien bon pour moi. Mais c'est ça, c'est cette démonstration-là, j'en ai pas vu assez là, encore pour vous donner genre oui, achetez ça, ça va être malade. Je sais pas, c'est pas suffisant. L'expérience n'était pas assez grande, dans le fond. Puis non, je sais pas quoi dire de plus. Je suis sorti de là, puis je me demandais, j'ai-tu aimé ça ou j'ai pas aimé ça? Je capote-tu ou je capote-tu pas? Puis je sais pas. C'est comme pas, j'en ai pas vu, j'en ai pas fait assez. Moi, je pense que c'est le prix qui va faire que le ça prix va marcher tout ou ça changer, va pas marcher. Là. Parce que, puis je dis ça, ça va marcher, ça va pas marcher. C'est sûr ça va marcher. Oui, c'est sûr. C'est une machine de Nintendo, là, c'est sûr ça va marcher, mais... À savoir combien de monde va vraiment l'acheter, là, ça va vraiment dépendre du prix parce qu'en plus de ça, elle, graphiquement, elle est en dessous des autres consoles. Ben là, je serais pas prêt à le dire, par exemple, parce que, OK, je suis pas un grand spécial. J'ai pas lu toutes les specs de toutes les machines, mais quand j'ai joué à Project P100, là, Chris, c'était du next-gen, ça, là. C'est égal aux deux autres. Oh, oui, c'est next-gen, sauf que ça a été dit souvent jusqu'à maintenant que l'engin est pas aussi fort que l'engin de la 360 ou de la PS3. Là. C'est technique. Là. C'est même c'est, pas... C'est ça. C'est là, pas quelque chose de... Je trouve que c'est l'enculage de mouche. Là, parce que, tu sais, je veux dire, un à côté de l'autre, tu sais, le gars qui joue à un jeu et qui joue à l'autre jeu, il joue aux jeux qui sont beaux. Ça va paraître, admettons... Il n'y a pas de slowdown, là, tu sais. Mais ça va paraître, admettons, à Call of Duty ou à des jeux comme ça. Tu vas te rendre compte d'une différence entre les consoles. Tandis que si je te montre un jeu de 360 puis un jeu de PS3 côte à côte, il y a des bonnes chances que tu cherches c'est quoi qu'il y a de différent entre les deux jeux, tu sais. Tandis que sur la Wii U, tu vas voir ce léger décalage-là de graphisme. Puis c'est correct, moi, ça me dérange pas vraiment. T'es-tu sûr qu'on va le voir en même temps? Es-tu si inférieur que ça aux deux autres? Parce que oui, je suis pas mal certain. Les chiffres disent qu'il est vraiment plus faible. Les chiffres disent que c'est plus faible graphiquement. Okay. C'est plus faible graphiquement, mais pas plus faible jusqu'à dire ça, c'est... Ça, c'est de la qualité, mais Sega de Genesis, puis à côté d'une 360, là, c'est pas ça du tout. Mm-hmm. C'est juste que c'est légèrement inférieur aux deux autres consoles. Considérant que c'est une console next gen, que c'est, là, au moment où elle va sortir, elle, les deux autres vont probablement sortir une autre solution un an plus tard. Ouais. Fait que c'est là, moi c'est là que je me dis, qu'est-ce qui va se passer avec cette console-là? Est-ce que Nintendo va être capable de faire son tour de force qu'ils ont fait avec la Wii? Eux autres, ils ont fait une méchante bête à se dire, ce que les gens veulent, c'est pas ça, tu sais. Ils veulent jouer différemment, ils veulent... C'est ça qu'ils essayent encore, là. C'est ça, sauf que la Wii... Ça a été un feu de paille, tu sais, c'est comme ça a fonctionné super gros au début, puis ça a flanché tranquillement, puis là, présentement, je veux dire, moi, Ça fait quoi, deux ans et demi que j'essaie de défendre la Wii U, puis je suis tout seul de ma gang, là. Tu sais, j'ai plus d'armes, tu sais. Ben, c'est juste qu'il faut pas la défendre, comme les autres, tu sais. Faut pas la défendre comme étant j'achète-tu une Xbox ou j'achète une Wii, tu sais. Mais c'est la question. Achète-toi une Xbox, là, parce que si tu trip hardcore, whatever, puis by the way, une Wii, tu sais, c'est cool. Ouais, mais c'est la question que les gens se posent. Pareil, tu peux pas penser comme ça parce que la plupart des gens, là, je veux dire, ils n'ont pas l'argent pour s'acheter trois consoles. Ils font un choix, tu sais. Mais Tiggy, tout le monde là, va s'acheter une Wii, tu sais, parce qu'il va jouer avec cette chummer, whatever, tu sais. Puis les gens qui jouent à des jeux vidéo depuis longtemps, ils vont acheter une Xbox ou une PlayStation, tu sais. Oui. C'est pas plus compliqué que ça, là, moi, je trouve, tu sais. Puis c'est qui va comme faire « Ah, je prends-tu elle ou je prends elle? » Les t'sais. Familles. Ben, les familles, ils vont pas acheter des PlayStation. Les familles vont acheter des Wii, tu sais, pour les enfants plus jeunes. Mais si le jeune, il game, puis que c'est un gamer, il va acheter un pas nécessairement. Les parents à Noël vont pas dire « On t'a acheté une Wii, désolé. » Il y a de plus en plus de familles en Amérique du Nord qui achètent une 360 à cause de ces... Ben là, ça coûte rien. À cause, justement, ça coûte pas grand-chose. Mm-hmm. Puis en plus de ça, elle te sert de système multimédia, tu sais. Ouais. Chose que la Wii U ne sera pas, encore une fois, tu sais, il y aura pas de lecteur DVD, puis ils l'ont dit, il n'y aura pas de lecteur Blu-ray, mais il va avoir Netflix. Il n'y a pas de lecteur DVD, par exemple. C'est ça l'affaire. C'est que tu vas avoir Netflix, tu vas avoir Hulu, toutes ces affaires-là, qui sont pas vraiment disponibles au Canada, mais tu vas les avoir pareil, mais t'auras toujours pas de lecteur DVD. Un parent DVD. Qui a... Mais Blu-ray, oui. Non, pas Blu-ray. Non, c'est ça. Pas Blu-ray, pas ni lecteur, DVD. Non, non. Pas de lecteur du tout. C'est un film que tu viens d'acheter, Little Nemo pour ton enfant. Ouais. Tu peux pas le mettre dans ta Wii U. Ben, s'il l'a pas, ça veut dire que DVD la console va être moins chère, dans le fond, parce qu'ils font de la place pour exact. Ça. Exact. C'est ce que je me dis aussi, sauf que faut penser surtout aux parents. Puis les parents, c'est tout le temps la même question. Puis moi, les gens qui me posent des questions, puis ils me communiquent avec moi à cause de Monsieur Net, puis là, ils me disent quelle console je devrais acheter à mes enfants cette année, puis ils disent tout ce qu'ils ont de besoin, puis à un moment donné, t'as pas le choix, tu fais comme, ben regarde, tu sais, prix, puis tout ce que tu veux, ben tu vas avec la 360, tu sais, t'as pas le choix. Là, c'est pas pire, la PS3 commence à descendre, puis font la même affaire que ce que 360 fait que ça vaut la peine. Les deux vont pas mal la peine côte à côte, mais c'est sûr que un parent va regarder la meilleure valeur. Puis moi, à toutes les fois, je vais dans un EB Games ou dans un Future Shop, je vois pas mal plus de monde partir avec des 360 qu'avec des Wii, tu sais. C'est la machine qui se vend le plus en Amérique du Nord, puis je comprends, parce que dans le fond, c'est comme, t'en as plus pour ton argent. Ouais, c'est ça. Qui en veut pas plus pour son argent de nos jours? Absolument. La vie, ça coûte cher, puis à un moment donné, ben, faut que tu fasses des choix, tu sais. Mm-hmm. Nous autres, c'est pas pire, on est riche en Christ. Mais nous autres, c'est notre passion, fait que on achète tout ce qu'il y a à acheter pour pratiquer notre passion, mais c'est pas ce que tous les gens font. Puis moi, c'est ça, la Wii U, j'ai hâte de voir le prix pour voir si c'est ça qui va la briser un peu à l'avance, tu sais. Ouais. Mais en même temps, les prochaines consoles de Sony puis de PlayStation, tu sais, je trouve, OK, le temps passe, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Le cloud gaming, c'est ça que ça s'en va. Là. Mais ça va être quoi? T'sais? En même temps, même s'ils sortaient une console plus forte présentement, serais-tu capable de le backer en création de jeu? Ben oui. T'as-tu vu le démo de Square Enix? Que j'ai posté ça sur Rétro Nouveau, je pense. Pour quel jeu? C'est pas un jeu. C'est juste Square qui présentait l'engin graphique réel next-gen. OK. En temps réel, là, c'est pas du pré-rendu. Mm-hmm. C'est excessivement impressionnant. Là. Ah ouais, c'est, ça fait vraiment une grosse différence. C'est une méga différence. Puis c'est pas le genre d'affaire que j'ai regardé puis j'ai fait comme, ouais, c'est juste plus beau. Non. Okay. Tu le veux maintenant. Là. Okay, c'est vraiment impressionnant. Je parlais plus tôt dans l'épisode de The Walking Dead. Ouais. Si je jouais à un jeu où je dois faire j'ai des conséquences, puis c'est comme un film, mais que je suis vraiment très près du film, je vais triper. Là, ce qu'on a toujours voulu depuis le début de la nouvelle génération de jeux vidéo, c'est que les FMV, ça soit le jeu. C'est-à-dire les films pré-rendus qu'on voit au début, comme quand tu jouais à Final Fantasy. Tu voulais que ça soit ces films-là, tu voulais que ça soit cette qualité-là. Fait que, tu sais, on dit souvent, tu sais, comme, mais si tu as assez, je pense que oui. Moi, je pense que, tu sais, graphiquement, c'est parce que si tu ajoutes ce niveau de graphisme-là, tu ajoutes plus de réalisme, visiblement, tu as plus de place, fait que tu peux mettre du meilleur son, mettre des voix à tout le monde, c'est fini le texte partout. Tu mets des voix à tout le monde, tu mets plus de shading, tu mets plus d'éclairage, tu mets plus de polygones, tu mets plus de tout. Puis après ça, bon, c'est le gameplay. Le gameplay, c'est la base, c'est ça. Mais le gameplay, c'est tout. C'est là depuis... tu peux jouer à un jeu de Nintendo puis l'apprécier autant d'un jeu de maintenant. Mm-hmm. C'est juste le graphisme qui change. Fait que si le graphisme est encore meilleur, regarde, ça va être hallucinant. Là, t'sais. Moi, la Wii U, la seule accroche pour moi, c'est la manette à cause qu'on peut continuer à jouer à un jeu même quand que la TV est fermée. T'sais. Ouais, ça, j'avoue, je sais pas jusqu'à quel point ça porte, mais si je peux m'en aller chiller dans mon lit et continuer à jouer à ça, sur mes genoux, whatever, t'sais, parfait, là, ça, ça va vraiment être cool. Mais j'ai hâte de voir à quel point ça va être possible de le faire avec tous les jeux. T'sais. J'en ai pas l'impression. Parce que des fois, la manette elle-même sert d'outil au jeu. T'sais. Puis si tu veux jouer à Rayman puis décoller de ta TV, c'est pas possible parce que les deux sont, jouent ensemble. T'sais. Puis ça te prend des Wiimote aussi, faut pas oublier ça. Donc, c'est assez tordu tout ça. Là. C'est un drôle de concept. Ça continue d'être un peu un mystère, on dirait. Ouais. On va bien voir. On dirait que Nintendo aime bien ça, nous mettre dans le mystère. C'est ça. Mais en tout cas, on va voir ça. On attend on va voir ça d'ici Noël. Mais moi, après ton compte rendu, je veux dire, je suis pas plus excité. T'es pas plus avancé, hein. Bon, c'est ça, désolé, mais moi non plus, je suis pas plus avancé. Ouais. Au moins, je l'ai tenu dans mes mains, tu sais. Ah oui. Puis c'était une belle tenue de main. Magnifique. Mm. Compagnie. Le retour en force des chroniques un peu plus instructives. Cette semaine, on parle d'une compagnie qu'on a les deux à cœur, je crois. Ah, oh, on l'adore. On l'aime beaucoup. Ça s'appelle Way Forward. Yes. On a parlé de plusieurs jeux de Way Forward. Puis, on va les repasser tantôt. Je vais en énumérer un bon paquet qui m'ont fait. Ça va nous rappeler des bons souvenirs. Donc, Way Forward Technologies. Technologies, c'est le même qu'on dit. Ça a été fondé en 1990 par un mec qui s'appelle Voldy Way. Puis le nom Way Forward Technologies ferait référence à un livre qui s'appelle Dirk Gently's Holistic Detective Agency. Ooh. Un livre de Douglas Adams. Où est-ce que le personnage principal là-dedans qui s'appelle Gordon Way, il fonde une compagnie de détectives, je crois, qui porte le nom Way Forward. Voilà. Fait que c'est peut-être un livre là, que Voldy aimait bien, dans le fond. Puis depuis que ça existe, la compagnie a focusé surtout sur les consoles Super Nintendo, Genesis, Sega CD et Game Boy Color. Et maintenant, on pourrait dire DS, 3DS, Wii... quoi d'autre, donc? Xbox, toutes les consoles, en fait. Ouais, pas mal toutes les consoles. Puis petit news flash de dernière minute, ils viennent d'annoncer que Mighty Switch Force s'en vient pour la Wii U. Ah oui? En HD, ouais. Oh man, ça va être cool, nice. Ça. J'adore ça. Et puis, aussi, dans les débuts de cette compagnie-là, il y avait une branche très importante pour eux dans leur développement, où est-ce qu'ils faisaient des jeux d'ordinateur pour Personal Computer and Leapster. Genre des trucs un petit peu plus éducatifs. Ouais. C'est ça. Puis, pendant qu'ils faisaient ça aussi, la compagnie n'était pas bien ben grosse, fait que la plupart des employés avait d'autres jobs autres que de travailler chez Way Forward, là, finalement. Puis en 1994, soit 4 ans plus tard, ils ont fait un deal avec la compagnie American Education Publishing pour développer encore plus leur côté éducatif dans les jeux d'ordinateur éducatif. Puis ça a été un bon hit, ça, pareil, parce qu'ils ont gagné un prix au Consumer Electronics Show en 1995 pour l'ensemble de leur œuvre là, qu'ils ont faite à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça, c'était un peu le Way Forward avant, tu sais, ce qui a aidé à comme faire de l'argent, tu sais, puis rester là, puis travailler dans le fond pour devenir quelqu'un, tu sais, il faut commencer quelque part. Ben Puis ensuite, dans le fond, en 1997, ils sont vraiment comme plus focussés jeux vidéo. Ils sont devenus une compagnie Developer for Hire. Okay. Donc, t'engages WayForward pour développer ton jeu, finalement. Chose qu'ils font encore aujourd'hui, ouais. Même s'ils ont des jeux, quelques jeux à eux, mais c'est surtout une compagnie qui t'engage pour développer, finalement, mm-hmm. comme on va voir. Puis en 2002, c'est là qu'ils ont droppé leur premier jeu, leur vrai, là, qu'ils ont tout fait, puis c'était leur création, puis c'était Shantae au Game Boy Color. Un jeu que t'as possédé, puis t'as vendu pour des peanuts. Puis qui n'est pas disponible nulle part. Non. Sauf en copie originale, 100 quelques dollars et plus. Très, très si cher, bon. Si vous voyez ça. Mais vous le verrez pas parce que tout le monde sait que c'est hot. Ben, je me demande si c'est hot à jouer aujourd'hui, mais en tout cas, ça a une grande valeur. T'sais. Ben, c'était le fun, en tout cas, dans le temps. Mm. Mais dans le temps, oui, mais ça l'a floppé, justement, parce que même si ça a été un gros succès critique, c'est arrivé comme à la fin de la Game Boy Color. Ouais. Vraiment, là, puis ça a gossé, puis il y a eu bien du trouble à sortir ce jeu-là, donc il a passé dans une craque, là, puis personne l'a vu partout, là. De là, le fait qu'il est rare. Comme tous les jeux de fin de console, ouais. ils deviennent rares, tu sais, Félix de Cat, tous ces jeux-là. Et puis, ensuite, en 2004, Nintendo a annoncé la DS, la sortie de la DS. Mm-hmm. Puis, WayForward a été contacté par THQ pour produire un jeu qui s'appelle... un jeu de chat. Qui s'appelle Ping Pals pour la DS. Ouais. Qui a été... As-tu déjà joué à ça? J'ai pas vraiment joué. Je sais quoi, mais j'ai pas. Paraît joué. Que c'est la crise de marre. Ouais. Mais WayForward en a profité, dans le fond, maintenant qu'il y avait le kit de développement de la DS. Ouais. Ils ont travaillé fort là-dessus, puis ils ont comme développé plein de jeux de DS pour plusieurs compagnies. Fait que, en gros, c'est pas mal parti de là, le WayForward comme contemporain, mm-hmm. à partir de 2004, puis qu'ils sont mis à sortir du stock. Là. Fait que c'est en gros c'est un peu ça l'histoire de WayForward. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite compagnie qui sont très très très bons en animation. En fait, mais c'est vraiment leur créneau. C'est là. La force. Là. C'est leur force de base. Puis ils sont reconnus pour ça. Tous les sprites, tous les backgrounds. S'il y a un palmier qui bounce en background, mm-hmm. il va être super beau. Tout est très très bien fait finalement. Donc si tu le permets, on va passer à travers une gang de jeux qui ont fait. Ouais. En 2002, Game Boy Color, leur premier jeu à eux, Shantae. Mm-hmm. 2002, Game Boy Advance, Godzilla Domination. Connais pas. 2003, Game Boy Advance, Rescue Heroes, Billy Blazes. Ouais. Tu connais ça? Oui. T'es bon ça? Ouais. Non, c'est correct. Correct. Ben, après, un autre, Ping Pals est arrivé en 2004 sur ADS, raté. Game Boy Advance en 2005, Sigma Star Saga. Yes. Qui, je crois, est un shmup, hein? Oui. C'était quand même correct. Vraiment ça. Bon. 2006, au PlayStation 2, PSP, Nintendo DS et Xbox, Justice League Heroes. Mm-hmm. C'était-tu bon? As-tu essayé? Bah, c'est moyen. Oui. Là, c'est tout le temps la même affaire. Les jeux Justice League Heroes, là, c'est correct. Un jeu qui avait été annoncé dans un E3 en 2007 et qui est sorti au DS, Looney Tunes Duck Amok, oui. qui a été pas si hot que ça, non. finalement, hein, malgré une grosse annonce. Ils se sont repris, par exemple, avec une grosse franchise en 2007 au DS, Contra 4. Ouais. Une réussite. Très bon. Leur premier jeu, WiiWare, en 2008, Lit. Ouais. L-I-T. C'était-tu bon, ça? Ça avait j'ai l'air pas assez joué. Fucked up. Ça avait l'air fucké pas mal. J'ai pas joué. 2009, DSiWare, Mighty Flip Champs. Ouais. Le premier de la série des Mighty. Très bon. A Boy and His Blob, qu'on a fait à Rétro Nouveau ouais. à l'épisode 10, est sorti en 2009 pour la Wii. Une réussite. Et là, un très bon jeu aussi au Nintendo DS en 2010 et aussi sur la Wii, Batman The Brave and the Bold. Yep. C'était bon ça, hein? Ouais, c'était cool. Tu l'as en DS, hein? Ouais, je l'ai en DS, je l'ai critiqué à M. Net. Y es-tu à vendre? Ouais. Oh, non, tu me le prêteras. 2010, Shantae, Risky's Revenge, la ouais. suite en DSiWare et iOS, critiqué par moi à l'épisode 12 de Rétro Nouveau. Un jeu après ça, en 2011, à la Wii et au 3DS, Centipede Infestation. Ouais. J'ai pas joué à ça, puis j'ai peur du jeu. T'as joué? Ouais, c'est ouais. vraiment moyen. Ah ouais? Ouais. Ah, je jouerais pas. Je le vois des fois, je suis comme, ah, je mets-tu mon 20$ usagé pour ça, mais... Pas vraiment. Bah ben, en tout cas, moi, j'ai joué, puis je... Non. Ah, ben, on va passer dans ce cas-là. Merci. Ouais. Hey, un jeu que je viens d'acheter, Mighty Milky Way, pour faire ouais. la suite de Mighty Flip Champs. Donc, tu tournes autour d'une boule. Ouais, c'est très intéressant. Je vais en reparler plus tard. Ouais. Mighty Flip Champs DX ouais. en 2011 sur le PlayStation Minis. Ouais. Ça, je savais pas. Intéressant. Après ça, Blood Rain Betrayal ouais. au Xbox Live Arcade PlayStation Network. Oui. C'était-tu bon, ça? Oui, c'est bon. C'est bon. Très difficile, mais très bon. Après ça, un grand jeu, Aliens Infestation, ouais. en 2011 au DS, que j'ai critiqué à l'épisode 14. J'ai bien aimé ça. Mighty Switch Force, en 2011 au Nintendo 3DS, que j'ai critiqué à l'épisode 18, mais que ma voix, que je parlais à côté du micro, fait qu'on entendait fuck all, et je vais en reparler, je vous le dis. Vraiment un excellent jeu. Ouais. Là, en 2012, donc, au PlayStation Vita, Silent Hill, Book of Memories. Ouais, ça s'en vient, ça. C'est sorti ou ça s'en vient? Ça s'en vient. C'était un jeu qui s'annonçait pour être un véritable flop. OK. Puis ils ont retardé la date de sortie. Puis là, les critiques, les gens qui laissaient, disent que c'est vraiment excellent. Ah ouais? Fait que moi, j'ai de l'espoir. Là. C'est quand même Way Forward, mais Way Forward, c'est pas une ligne droite. Là. Des ouais, fois, ouais, c'est vraiment mauvais. Totalement. Là. Fait que faut pas, c'est pas vendu. Là. Mm-hmm. Mais quelque chose qui est vendu déjà, puis qu'on va s'acheter, mais que c'est peut-être pas bon, mais j'ai hâte de voir Double Dragon Neon ouais, qui va sortir ça bientôt. Ça sort à la fin de l'été, ça. Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir yes. ça. Là. J'espère que ça va être cool. T'sais. J'espère. Moi, c'est un achat. Et puis, la plus grosse sortie de Way Forward qui s'en vient, et c'est le dernier jeu dont je vais parler, c'est Adventure Time. Hey, Ice King, why do you steal our garbage? Ouais. Moi, je connais pas ça, Adventure Time. C'est un cartoon c'est à TV. C'est un cartoon au Cartoon Network. Okay. Puis, c'est un des cartoons les plus populaires présentement. Ah oui, hein? Fait qu'eux autres, ils embarquent dans le bateau. Mais ils en parlent beaucoup d'Adventure Time, ce jeu-là. Ce jeu-là, ils parlent énormément beaucoup sur Internet. Sur Internet, hein? Oui. Ça va sortir sa 3DS. C'est écrit DS aussi. En tout cas, ouais. J'ai hâte de voir. Puis j'ai rien vu, il n'y a rien disponible, il n'y a pas de gameplay, de trailer. Il y a eu 2-3 screenshots jusqu'à la date. C'est ouais, pas, c'est ça. Rien de concluant. Là. C'est 2D, là. C'est ouais. très 2D, me semble. Oui, ouais, c'est 2D. Mais on n'a pas plus que ça. Là. Mais en tout cas, tout le monde semble très positif par rapport ouais. à ça. Donc, mais c'est une bonne compagnie, Way Forward. Surtout pour juste pour l'animation. C'est assez impressionnant. Tu le sais quand c'est pareil, eux autres qui le font pareil. Ouais. Parce que, ben en fait, moi, quand j'avais joué à Contra 4, je connaissais pas Way Forward, j'avais pas lu sa boîte, puis tout. Puis je trouvais qu'il y avait une petite twist. Là, ouais. Puis maintenant que je vois ça, je trouve que ça fait tellement de sens. Là, ben c'est oui. sûr, là, c'est leur touche. Là, non, non, c'est certain. Puis même dans leur vieux jeu, Mighty Flip Champs, là, ouais. juste la façon que tu meurs ou que le petit faisceau de lumière il bouge, c'est sweet. Là. Et ça paraît énormément que les Mighty, c'est la même équipe que Shantae. Ouais, ouais. Parce qu'il y a le même style d'animation, le même style de personnage aussi, le design des personnages, et ça ouais. a été fait par la même personne. Ouais, ouais. En fait, je pense que tout ça est l'ouvrage d'un ouais. gars. D'ailleurs, c'est une très petite équipe, ça, là, en oh, fait, c'est un oui. petit studio. Mais oui, puis en fait, ce gars-là, pour prendre un break des Mighty puis de Shantae, je pense, après ça, il est embarqué dans Lit pour le WiiWare, okay. qui est un jeu complètement différent. Oh, oui. Juste comme, ils sont de même. En fait, ils sont très expérimentaux, oh, les autres oui. Way Forward. Ils essayent des gars à plusieurs jeux, puis tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ils font surtout des jeux portables Nintendo, mm-hmm. mais ils font un petit peu d'autres choses aussi. Tu sais, c'est pas. Ça roule pas des milliards, mais tu sais, c'est Chris, c'est cool pareil. Ouais. Puis les gars, ils sont passionnés. C'est respecté. C'est respecté. Puis ça paraît. Ouais. Fait que c'est ainsi que se termine ce 32e épisode de Rétro Nouveau. Je sais pas ouais. combien de temps qu'il a duré. Ah, je sais pas. Là, attends, j'ai ici 2h47, mais là-dessus, il y a bien de la scrap qu'il ouais. va falloir couper au montage. Mais là. Quand même, je pense certain qu'il dure à peu près 2h30. Ouais, il est minuit et 20, là. Ouais. Et 23, en fait. D'ailleurs, quand t'as envoyé une petite image, là, un Instagram, ouais. Sébastien Bouchard de Fun Joueur nous dit « Respect, guys. Ça, c'est des vrais. On travaille tard. » Tant qu'être sur Twitter... Martin Hull nous dit bon show les boys. Éric Chaberlan at Chambi nous dit il était temps, je suis en manque, je shake. Eh bien voilà, vous allez être servis. Puis, ouais. On a fait un long parce que la semaine prochaine on n'est pas là. Ouais. Je suis en vacances à l'extérieur du pays, mais je vais renouer avec une destination vacances de rêve où est-ce que mes parents me traînaient toujours quand j'étais petit. Puis j'allais dans les arcades, Old Orchard Beach. Yes. Puis maintenant que c'est moi qui est un parent, j'amène mon enfant là parce ah que ouais. j'ai pas d'argent pour aller plus loin. L'argent passe dans la maison. Mais je vais aller dans les arcades, par ouais. exemple, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe là. C'est quoi les jeux d'aujourd'hui ouais. dans les arcades, là, ça va vraiment être cool. Great. Mm. Moi, je pense que je vais me laisser tenter par The Amazing Spider-Man la semaine prochaine. Ah oui? C'est un jeu qui m'intéresse parce que les critiques sont comme C'est-tu Ubi encore? C'est bon. C'est Ubisoft ça qui fait ça? Binox. Ah, Binox. Oui, c'est vrai, ouais, c'est Binox que je me qui fait ça. Sauf que moi, ce qui m'attire, c'est que tu peux jouer avec Stan Lee. Puis moi, juste jouer avec Stan Lee qui parle puis qui lance des toiles d'araignée puis tout, c'est assez pour me donner le goût, là. J'avoue. Fait que je pense que c'est pas mal mon prochain jeu, ça, là. Je vais probablement embarquer là-dedans parce que avec toutes les critiques que j'ai vues de Lollipop Chainsaw, ça m'a convaincu pas l'acheter du tout. Hey, les critiques sont mauvaises. Je vais attendre un moment donné, je vais le louer, là, mais les critiques sont vraiment mauvaises, puis c'est unanime. Ouais. Normalement, il y a des hauts et des bas. Tout le monde dit comme t'as du fun, mais ouais. Pour le prix, ça vaut vraiment pas ça. Il y a Jim Sterling qui a donné 90 sur 100. Ouais. Il est le à seul. Cause de l'histoire, puis il est seul. Ouais, c'est t'sais, ça. Fait que là, je me dis un moment donné, le gars, là, OK, l'histoire, puis les personnages, c'est drôle, c'est wacky, c'est le fun. C'est Suda 51, fait qu'on peut en laisser passer pas mal, mais. Ah, moi, les gars de Game Focus n'ont pas aimé ça. Puis Joël, à Fun Jouer Jeu, il n'a pas aimé ça non plus. Ouais. Puis même les deux, ils sonnaient pas mal pareil. Là, ouais. Fait que dans le fond. Non, tout le monde s'entend que c'est pour dire que c'est pas super le fun. Là, fait ouais. Que, dommage. Donc, c'est plate pour dommage. Toi, man. T'attendais c'est... tellement ça. Je l'attendais là, énormément ce jeu-là. Ouais. Puis finalement, ben. Ah, ça arrive, ça arrive. Ah, ça arrive. On attend des jeux comme les Mongols. Puis finalement, c'était un pétard mouillé. Pétard mouillé. Fait que, en tout cas, anyway, bonne écoute qui vient de se terminer. On espère que vous avez aimé ça. Puis, bref, on se revoit dans deux semaines. On enregistre dans deux semaines. Peut-être que d'ici là, les vidéos qu'on a enregistrées aujourd'hui vont être disponibles. Ça dépend de JF. Non, pas de pression. Non. On a enregistré beaucoup, par exemple. Fait qu'on va y laisser le temps. Mais, fait que c'est un peu ça maintenant. Certaines de nos critiques vont se retrouver en vidéo. Ouais. Fait que c'est ça. Juste pour le côté. Il y a un côté bien intéressant à avoir, évidemment, des critiques en vidéo. C'est une demande qu'on a eue, puis aussi, on trouvait ça intéressant de faire ça comme ça. Là. Effectivement. Ça va remplacer un peu les jeux souvenirs qu'on faisait. Exact. On va prendre une pause de ça, mais c'est pas dit que JF va emmener son Super Scope 6. Oui. Il va emmener, fait que ça, tu sais, de temps en temps, on pourrait peut-être en faire une drôle. Exact. Là, où est-ce qu'on joue à des petites guenilles. Ouais. Moi, j'en ai des jeux guenilles ici, fait que ça pourrait être drôle. Non, c'est ça, il n'y a rien qui est fermé non plus à Rétro Nouveau. Là, on fait les affaires comme on le sent. Là, on est dans une phase que c'est de même. Là. C'est ça, là, c'est de même. Peut-être que dans un an, ça va être d'autres choses. Puis, je sais pas, moi, ça va être bizarre. Puis, la musique va être trop forte. Puis, vous n'entendrez plus parler. C'est ça. On le sait pas. On s'ajuste. C'est une expérimentation qu'on tente de garder le plus professionnel possible. Ouais. Bon, ben, c'est l'heure de se coucher, hein? Ouais. À la prochaine. Ciao. Salut. Retro Nouveau.